Indestar présente l'émission à la maison. Jusqu'à 23h, sujets, débats, jeux et encore beaucoup plus. On passe la soirée ensemble sur Indestar. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Ah bah oui, c'est Noël, hein. Bah oui, c'est vrai. On n'en voulait pas qu'elle allait apparaître celle-là, mais tant mieux, mais oui. Tous les jours dans les rues. C'est pour vous dire, non, alors dans les rues, effectivement, on l'entend si vous sortez. Et puis dans quelques jours, oui, vous le savez, vous pouvez pas passer à côté de l'événement. Ce sera Noël 2020 qui va arriver. Et nous, ce soir, vous pouvez pas passer à côté de cet événement-là puisque c'est la dernière de l'année déjà pour nous. Dernière émission à la maison de l'année 2020. On a hâte en même temps de reprendre les émissions en studio, ce que j'espère qu'on pourra faire en janvier si on a plus de liberté, si la situation sanitaire s'améliore. Enfin, vous connaissez tout ça, quoi. En tout les cas, ce soir, on est très content d'être avec vous, les enfants, pour passer 2 heures minimum. Et je dis bien les enfants parce que ce soir, justement, nous allons retourner en enfance quelques années en arrière, oui, dans les années 80, 90, 2000, avec toute l'équipe. Voici Audrey. Bonsoir. Voici Martin. Salut, salut. Voici Virginie. Yeah. Voici Teddy. Ouais, bonjour, je suis un enfant. Voici Théo. Ouais, bonjour, je suis un enfant aussi. Plus ça va, plus la voix se dégrade. C'est n'importe quoi. C'est exactement ça. Mais on n'est pas obligé de parler comme ça tout au long de cette émission. Non. Mais c'est ah bah c'est trop tard. Normal, ça sera tout à fait bien. Je suis parti comme ça. Pas, non, t'es dit. Alors déjà que quand tu parles normalement, t'es une bonne gamin. Donc... Allez, pire. Ça, j'en ai rien à foutre. Je préfère avoir une bonne gamin qu'une voix de vieux. C'est pas faux. Et parce que j'ai une voix de vieux, moi. Non, je ne crois pas. Quand t'as des références de vieux, c'est bien suffisant. Exactement, mais ça va nous servir ce soir parce que vous allez voir que ces références vont ressortir, hein, puisque nous serons dans les années 90, peut-être avec Virginie, plus dans les années 2000 avec Martin et Audrey, et puis Teddy aussi forcément. Et puis dans les années 50 avec Théo. Ouais, bah on va commencer aux années 50. Non, j'ai quand grandi j'étais dans jeune, les années 90. Je connaissais pas la télé. Faut pas exagérer non plus. De quoi t'es dit ? Quand j'étais jeune, je regardais pas la télé. On regardait des cailloux 4K, c'était très bien. Alors, non, c'est maintenant que je ne regarde pas la télé. Non, justement, à l'époque, moi, je me rappelle une anecdote, mais c'était à l'entrée au collège et j'avais une prof de maths qui n'avait pas la télé chez elle. Bon, ce qui n'a rien d'étonnant aujourd'hui, hein, parce que bon, Internet, les ordinateurs, tout ça, et je n'ai même pas la télé à la maison. Mais à l'époque, c'était hyper surprenant quand elle nous avait dit non, mais moi, j'ai pas la télé à la maison. On s'est tous regardé, genre, quel est cet esprit? Oh, le dinosaure! Mais oui, bah oui, on s'est dit, mais pourquoi? Pourquoi elle a pas la télé? Mais comment elle fait? Bon, c'est tout à fait possible. Elle lit des livres, incroyable! Wow. C'est possible aussi. Ça, c'est des livres de mathématiques! Bah, tu vas me dire, vaut peut-être mieux lire des livres de mathématiques que les regarder sur une télé. Hein. Ah bah ça dépend. J'ai un doute, c'est mais bien fait, en émission télé, ça peut être ludique, en chose ludique. Et on en parlait hors antenne l'autre fois avec Audrey. Il y avait, et je me rappelle, alors moi j'avais Adi qui était pour les ados, et il y avait Adibou pour les enfants. Et c'était tellement bien fait que Audrey, tu te rappelles même plus que c'était pédagogique. C'est ça qui est fou. Mais non, je vais en parler durant mon émission, durant ma chronique. Crame pas tout la STP. Ça, d'accord, ça veut dire ta gueule. Je n'en parle pas. Non mais prenez ça pour un jeu vidéo. Donc mais c'est. Mais ouais. Mais voilà, comment mais on moi, peut faire des maths des en s'amusant avec Adibou ou avec mais Adi. Je t'expliquerai dans ma chronique pourquoi j'ai pas de souvenirs. Parce que du coup, j'allais dire j'y ai rejoué ce matin, c'est pas vrai. J'ai rouvert le truc ce matin et j'ai retrouvé pourquoi je me disais que c'était pas un truc pédagogique. Et je vais t'expliquer ça tout à l'heure. D'accord, c'est le teasing de ce qui va se passer dans cette émission. On va avoir plein de choses, hein, notamment un blind test à la fin que nous a concocté Teddy. Alors Teddy, ça va être les quelles années? Pour toi, ça va être plus années 2000, j'imagine. Ça va être plus mes années à moi, oui. Donc même 2005, je dirais. Tu vois. La vraie jeunesse, tu vois. C'est ma vie d'adulte. C'est vrai. Donc en théorie, tu devrais être assez mauvais. Oui, bah oui. Alors déjà, il a prévu que je serais assez mauvais dans le blind test. Mais si vous êtes né dans les années 90, milieu années 90, fin années 90, comme Teddy, vous allez pouvoir certainement réussir. Et c'est pour ça qu'il faut rester jusqu'au bout de cette émission. Martin, tu vas nous parler de quoi, toi, ce soir? Eh ben moi, je vais vous parler de mes Noël d'enfant, quand j'étais petit. Oh, c'est mignon. Et justement, qu'est-ce que vous avez eu en Noël d'enfant, de cadeau qui vous a marqué positivement et que vous avez peut-être encore sur le coin d'un meuble ou de la cheminée. Teddy, il y a un cadeau, toi, qui t'a foncièrement marqué? fallait que ça tombe sur moi en premier, franchement. Non, mais oui. Je sais pas, mais après, si t'as rien, t'as rien. Hein. C'est pas grave. Hein. Non, je sais, mais c'est que j'ai pas eu le temps de réfléchir à la question. Mais là, tout de suite, là maintenant, il y a rien qui me vient à l'esprit. Si ce n'est peut-être une table de ping-pong, mes parents. Ah, pas mal. Ouais, à 300 balles la table, ouais, effectivement, ça faisait mal. Ah non, on est déjà sur les bocadins. Mais je l'ai eu aussi, la table de ping-pong. Mais nous, c'était notre cadeau commun. Très bien les choses. Ouais. C'est que la table de ping-pong ne rentrait pas dans la salle à manger. Donc, en fait, elle avait mis un ruban qui allait du sapin jusque dans le garage pour qu'on suive à la trace et qu'on trouve la table de ping-pong qui était emballée dans un gros nœud. Oh, trop mignon. J'ai cru que t'allais dire qu'elle avait coupé la table pour 40, mais. c'est pas mal. Ouais. C'était beaucoup moins pratique pour jouer au ping-pong, mais ça rentrait dans la salle à manger. C'est peut-être le cadeau qui m'a le plus marqué parce que c'était un cadeau commun, évidemment. J'ai un frère et une sœur, donc forcément, on était trois. C'est de jouer au ping-pong tout seul, ouais. Ouais, franchement, ouais. Mais même si la table a split, du coup, tu peux jouer techniquement, mais c'est nul. Clairement. Oui, c'est nul. Mais c'était marquant parce que, c'était un gros cadeau. Voilà. C'est la seule chose qui me vient. Martin, il y a un cadeau qui t'a marqué ? Moi j'étais plus si petit que ça, mais je me souviens bien de ma guitare électrique, une belle Epiphone Les Paul, pour imiter Slash des Guns N' Roses. Ah ouais. Et alors, tu sais en jouer? Oui, après je suis plus très assidu, mais ce Noël-ci, je demanderais bien des cordes pour refaire chanter un petit peu. Donc big up à mes parents s'ils écoutent l'émission. Papa, maman, Père Noël, si vous entendez. C'est un appel au Père Noël direct. C'est la ligne directe au Père Noël ce soir sur Indestar. Si vous avez des souhaits comme ça, vous passez un appel à la radio. Vous nous appelez, puis vous passez un appel. Toi, Audrey, il y a un cadeau qui t'a marqué? Positivement. Ah si, si. Positivement, toute petite, je sais pas, je devais avoir 5-6 ans. Ouais, 5-6 ans, quelque chose comme ça. Mon grand-père m'a offert mon premier Polly Pocket. Et c'était le feu. C'était les Polly Pocket parce que tous les enfants des années 90 ont connu ça. Bah, ça existe encore, hein, même si ça existe sous une autre forme que ce que j'ai connu. Les Polly Pocket, c'était de toutes petites figurines. Et moi, je me rappelle, mon premier Polly Pocket, c'était une toute petite boîte qui se fermait en forme de tête de cheval. Et dedans, il y avait une figurine. Et genre, mais c'était le feu dans ma tête. Et ça recréait une ambiance. Il y avait genre une maison à l'intérieur ou une pièce de la maison. Là, c'était un tout petit box avec. Il y avait même pas de cheval. C'était un cheval dessiné. Mais c'était trop bien. Genre vraiment, c'était le feu. En fait, c'était une boîte avec une figurine, quoi. C'est tout. Oui, c'est ça. Mais c'est complètement ça. Mais en fait, dans nos têtes, enfin les têtes de toutes les petites filles qu'on jouait à ça dans les années 90, c'était un petit peu l'ancêtre du Sims. Ou les petits garçons. Hein, c'était un intermédiaire entre les Lego, les Playmobil. Ça avait pas vraiment de, il y a pas vraiment de parallèle à faire avec les autres. Ça rentrait autant dans la collection que dans le jeu en fait, et ça se transportait partout. Une fois que c'était fermé, tu le mettais dans ta poche et t'allais à l'école avec tes Polly Pocket. Évidemment. Et tu partageais avec les copines qui avaient. Non, tu partages pas, tu te vantes devant les. Tu te vantes. Ah, t'étais comme ça, toi, t'étais du genre à te vanter. tu te vantais avec quoi, Teddy, toi, quand t'étais à l'école? Moi, c'était avec mes cartes Yu-Gi-Oh! Et toi, Virginie, t'as un bon souvenir? Alors moi j'en ai avec plein. À 5 ans, j'ai forcément j'ai chez mon papi et ma mamie, où j'ai reçu un landau, vous savez, les vieux landaux comme on voit dans les films, les Poppins. Oui. C'était la fête. C'était génial de pouvoir mettre le bébé. J'avais un biberon aussi qui se recharge automatiquement là-dessus, le lit. Recharge automatique. Le fameux. C'était génial. Un bébé qui faisait pipi et c'était top parce que du coup tu jouais à la maman, quoi. C'était bien. Donc ça, j'avais quoi? J'avais 4-5 ans quand j'ai eu ça. Et sinon, un autre cadeau qui m'a marqué, je devais avoir 12-13 ans. J'ai eu ma première chaîne IFI avec lecteur vinyle. J'avais pas le CD encore. Et j'ai eu des casse-têtes. Et j'ai eu, je sais plus ce que j'ai eu en cassette. J'avais dû avoir Mylène Farmer. J'avais dû avoir Vanessa Paradis. Je sais plus ce que j'ai eu. Ah oui, le rock'n'roll est arrivé. En vinyle, j'avais dû avoir Adaway, Queen. En deuxième partie de vie, quoi. C'était des beaux cadeaux. Mais t'étais ravie. Et quel était l'objet que tu pouvais t'en vanter dans la cour de récré? Alors, des billes ou des pogs. J'ai eu un, je sais pas si vous avez connu ça, c'était un ballon comme un ballon sauteur en fait que tu coinçais entre tes pieds. Ça s'appelait un alors attends, c'était jumping jump ou un lolo ball, je crois lolo ball. Et en fait, ça ressemble en fait à c'était casse-gueule hein, le truc hein, mais oui. Ah ouais, carrément. mais quand tu te ramenais avec ça dans la cour de l'école, c'était le style incarné. Tu jouais à l'élastique ou tu jouais au lolo ball quoi. Mais toi moi j'avais pas le droit de le ramener à l'école ce truc là. On n'a jamais le droit, mais c'est pas grave. Audrey, tu sais pas si tu vois à quoi ça ressemble, oui, mais tu passes bien, pas inaperçu. Tu peux pas le planquer dans ta poche le machin. Mais pour ceux qui savent pas ce que c'est quoi exactement, parce qu'il y en a c'est qui savent. C'est un énorme ballon avec deux tétines où tu t'assois dessus et tu bondis, non, c'est pas ça? Oui, parce que ça a trimballé. Tu montes sur les deux anneaux et tu bloques avec tes deux pieds. Ouais. Donc les malléoles en fait bloquent le ballon et tu dois sauter et avancer avec ton ballon et faire des figures. C'est la planète Saturne en fait. Exactement. J'arrivais à faire des figures de ouf quoi. j'arrivais à toucher le ballon, enfin à toucher mes fesses avec le ballon, tu vois. Donc on sautait super haut. Non, c'était rigolo comme jeu. D'accord, c'est vrai que c'est stylé. Dans la cour de récré, j'avoue, c'est stylé. Parce que moi, c'était plus les billes et puis les pogs aussi dans les années 80. T'as connu ça aussi, Virginie, toi? Alors, j'étais moins fan de tout ça. Moi, j'étais plus album Panini, genre les crados. D'accord. Ah oui. Que les pogs. Toutes ces collections, il y a eu de. Enfin, à l'époque, ça a été une mode très éphémère. Hein. Il y a grand coup de renfort publicitaire, mais c'est vrai que par un moment, on était envahi dans les cours de récré, comme il y a eu toutes les collections, les cartes après Yu-Gi-Oh et compagnie, et Pokémon, machin. Là. Mais ça a été des modes. Oui, tout à fait. C'est dit avec tellement de dédain. Pourquoi? C'est clair. Pokémon machin là. Ouais. Non, c'est. Et t'as mal vécu ton enfance, c'est pas notre faute, hein, mon gars. À chaque génération, ça. C'est... Non, c'était pas. L'époque était pas mieux que les autres. Hein. Mais c'était une époque, et vraiment, c'était un phénomène sur le moment. Je veux dire, t'avais pas tes pogs, t'étais exclu de la cour de récré. Mais cela dit, deux ans plus tard. Moi, je me rappelle, petit, je sais pas si Martin et Teddy vont s'en rappeler, il y avait une grande hype des toupies. Beyblade et autres. Beyblade. J'ai pas eu trop cette hype là. C'était la mode des toupies nouvelle génération que t'avais. Avec un lanceur et tout. Ouais. C'était tellement stylé. Les yo-yo, c'était à la mode aussi dans la fin des années 90 où t'avais les yo-yo avec les roulements à billes et tout ça. C'était un truc du tonnerre. Déjà, rien que le fait que tu utilises cette expression, on du sait tonnerre. Que t'es des années 50. C'était du tonnerre. Et toi, pour crâner, tu utilisais quoi toi à la cour de récré? J'ai envie de savoir, Théo. Je crânais pas moi. je crânais. Non, j'avais les pogs. Enfin, pour en revenir à ça, oui, j'avais les pogs. Et à cette époque-là, c'était pas pour crâner, c'était pour être comme tout le monde. Par contre, oui, non, le cadeau qui m'a marqué en reprenant l'univers pop culture. Enfin, il y a eu la Mega Drive, mais ça a surtout marqué mon père. Mais je me rappelle de mon poste de radio. Tu parlais de Chanifi tout à l'heure, Virginie. Moi, j'ai un poste que j'ai toujours. D'ailleurs, il était à une des stars pas plus tard que l'année dernière, un Panasonic, qui est un énorme poste qui se dit transportable. Mais bon, en vrai, pour un gamin de 6 ans, t'as intérêt à y être à deux. Mais qui faisait CD, double cassette, enregistreuse de l'une à l'autre, le programmable, réveil, tuner, évidemment. Enfin, ouais, il y avait c'est tout. C'était limite si tu faisais pas le café, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Les Panasonic étaient, c'était le must du poste de radio, quoi. Tu m'étonnes, voilà. T'as eu la chance d'avoir ça, ouais. Ouais, ouais. Mais j'étais jaloux quand même parce que, alors c'est la génération d'après, je pense. Mais quand j'étais chez ma meilleure amie, le frère de ma meilleure amie, le grand frère, avait la génération d'après du Panasonic où tu avais le tiroir. Qui était motorisé en fait sur le dessus le tiroir d'ouverture avec le petit écran LCD et puis les touches de contrôle, c'était motorisé au-dessus, c'était le top. Ah ouais, l'herbe est toujours plus verte ailleurs du coup. Oui. Mais bon, j'étais content quand même avec le mien parce que c'est là où j'ai pu faire les mes premières compiles cassettes où j'ai pu transférer d'un CD sur cassette et tout ça. Enfin, bon, c'était Incroyable. Et tu pouvais même brancher dessus une autre piste. Alors t'avais une entrée micro déjà dessus. Et tu avais une sortie pour... une entrée pour un lecteur de CD ou autre ou n'importe quoi que tu pouvais brancher en entrée dessus. Donc, c'était cool. Bon, on va parler des autres cadeaux qui ont marqué Martin durant son enfance. Dans un instant, les Noëls de mon enfance signé Martin pour cette émission Noël, enfance, nostalgie, tout ce qu'on veut, un peu de magie à l'intérieur de tout ça, c'est sûr. Et puis avant, on écoute Jared Allais qui reprend Ed Sheeran, voici South of the Border sur Indestar. Bonsoir. Jusqu'à 23h, l'émission à la maison, c'est sur Indestar. Tout à fait les enfants, jusqu'à 23h grand minimum hein, ce soir pour cette émission à la maison spéciale enfance, spéciale nostalgie, peut-être un petit peu de magie, Noël aussi également avec notamment Martin qui va nous parler c'est quoi Martin, c'est le ressenti que tu, les instants de magie que tu as vécu durant ton enfance à Noël, c'est ça? C'est ça, je vais vous emmener en voyage avec moi dans mon passé, dans mon oui, dans mes souvenirs. Oui, en voyage avec toi, c'est cool ça. En période de confinement, en plus, ça fait plaisir. Voilà. Ah là là, oui, je me souviens quand les fêtes de fin d'année approchaient et que j'étais encore un bambin, innocent et plein de rêves. On pourrait aussi dire crédule, hein. C'est vrai que pour croire qu'un gros monsieur habillé en rouge allait venir nous offrir des cadeaux en passant par la cheminée, il faut quand même pas trop se poser de questions. Et ces questions, on se les posait pas. C'est ma période de l'année préférée. Toute la famille s'affairait aux préparations de Noël des semaines à l'avance. Maman décorait la maison avec des guirlandes. Papa montait sur le toit pour ramener la cheminée pour que Père Noël ne reste pas coincé. Il en profitait aussi pour y accrocher un faux Père Noël, un peu flippant, il faut le dire. Moi et ma sœur, nous écrivions notre lettre au Père Noël, grasse et encore mal maîtrisée. La boîte aux lettres était pleine à craquer de catalogues de jouets que nous scrutions page par page pour y découper tous les joujoux qui nous plaisaient et les coller sur notre lettre. Comme ça, c'est plus simple pour le Père Noël. En plus, il y a le prix écrit à côté, donc c'est plus pratique pour les lutins de choisir ce qui nous sera envoyé. Dehors, la neige recouvrait la rue d'un manteau blanc immaculé et à l'intérieur, le feu de la cheminée nous réconfortait et séchait nos chaussettes trempées suite à la bataille générale de boules de neige avec tous les enfants du quartier. Tous les soirs, en rentrant de l'école, nous cherchions la petite case du calendrier de l'Avent qui abritait le chocolat du jour en attendant impatiemment le 24 pour enfin approcher de la plus grosse porte du calendrier. Parce que qui dit grosse porte dit... Bah gros trésor, gros cadeau. Ah. Un Kinder surprise. Il a agrandi la porte, Martin, à l'époque. Viens papa, on fait des travaux. Ma sœur et moi, nous devenions en même temps les architectes en chef du sapin. On disséminait, pour ne pas dire surchargé, le pauvre conifère de boules et de guirlandes de toutes les couleurs. Et à la fin, papa positionnait une étoile tout au sommet. C'était aussi l'occasion pour nous de retrouver nos cousines qui habitaient loin dans le sud et qui venaient chaque année pour les fêtes avec toujours la même question. C'est qui ton amoureuse? Moi, mon amoureuse, c'est Noémie, la voisine. En même temps, c'est la seule fille que je connaissais, donc bon, j'avais pas vraiment le choix. Puis, arrivé le soir du repas. De quoi? Non, j'allais dire, elle dit pauvre Noémie, j'allais dire pauvre Martin, plutôt. Oh, genre le mec te dit, désolé, j'ai pas le choix, c'est toi que j'aime, bon. Bref, excuse-moi, continue Martin. Puis, arrivé le soir du repas, long et bourratif, mais nous tenions bon. C'était la dernière étape avant le dernier dodo qui nous séparait des cadeaux. Avant d'aller se coucher, nous laissions une clémentine et un verre de rouge à côté de la cheminée pour donner des forces au Papa Noël et nous disposions nos petits chaussons sous le sapin pour qu'il sache où poser les cadeaux. Et oui, l'ancêtre de la carte d'identité, c'est des chaussons. Bon, la dernière fois que je me suis fait contrôler par la gendarmerie, je leur ai présenté mes chaussons, ils n'ont pas compris. C'est peut-être le Père Noël qui devrait s'occuper des contrôles routiers. Enfin bref, le lendemain matin, je me réveillais à 6h tapante pour une fois. J'allais secouer ma sœur et nous descendions les escaliers sur la pointe des pieds pour découvrir tous les cadeaux entassés là sous le sapin. C'était alors le moment des spéculations. Nous tâtions, secouons, pesions tous nos paquets pour essayer de deviner ce que ça pouvait être. On remarquait aussi que le Père Noël n'avait pas fini sa clémentine. Le verre de rouge, en revanche, il n'en restait plus une goutte. Après quelques heures... On a perdu Martin, je crois. Martin, es-tu là? Bah, je les ai tous perdus apparemment. Martin, serais-tu de retour parmi nous? Moi? Oui. Oui, on t'a perdu. Ah. Oh pardon, j'en étais où? Ah bah je sais pas. Si, le verre de rouge, effectivement. Oui. Le Père Noël, bizarrement, son verre de rouge, il le boit entièrement. Si j'ai bien compris. Et donc, après quelques heures, nous n'en pouvions plus d'attendre. Si nous voulions ouvrir nos cadeaux, il fallait réveiller toute la famille. Et je peux vous dire qu'on ne se gênait pas. Une fois toute la famille réunie, nous ouvrons enfin nos cadeaux tant attendus. Nous nous faisons des bisous de remerciement. Et c'était parti pour le deuxième round, le repas chez papy. Et là, surprise, le Père Noël avait aussi laissé des paquets pour nous. Et il est hyper plein de choses, ce Père Noël. Hein. Ah bah oui, il est parfait. Le repas durait toute l'après-midi et nous rentrions à la maison pour enfin jouer tous ensemble. Clap, clap, c'est clap. Beau, hein. C'est là qu'on applaudit. Clap, clap, clap. Ouais, clap, clap, clap. Oh, mais c'est trop mignon, franchement. Mais non, mais c'est mignon. Et tu vois, je me suis permis de prendre quelques notes parce que il y a des choses que je voulais pas oublier et notamment des choses que j'ai vécues aussi. J'en parlais l'autre fois du réveil à 6 heures. Bon, ça, c'est toujours le cas hein, tous les Noëls. J'ai un réveil une fois par an interne. C'est le 25 décembre. On ne sait pas pourquoi, même si je vais me réveiller plus tard, c'est à 6 heures le matin. La neige, ça nous paraît tellement loin. Alors, je ne sais pas si où vous vivez, hein, si vous êtes dans les Alpes ou les Pyrénées. Là, vous dites, bon, la neige, ok, on la connaît. Mais honnêtement, ici en Touraine, en centre-Val de Loire, on n'a plus la neige. Il fait tellement beau. Ça n'existe plus. C'est fini la neige par chez nous. On n'en aura plus. À l'époque. Pardon, Martin? J'ai vraiment l'impression qu'il neigeait plus à l'époque. Hein. Bah, qu'il neigeait tout court. C'est vrai. Ouais. Qu'il neigeait tout court. Déjà, c'était normal d'avoir de la neige le jour de Noël, quoi. Alors en principe, ça commençait à tomber. Il y avait une première période en novembre, et puis après, oui, c'était pas rare. Alors, c'était pas forcément tout le temps, hein, mais c'était pas rare que aux alentours de Noël, on ait de la neige. Et puis les catalogues. Alors c'est vrai, il y en a encore un petit peu des catalogues, mais de moins en moins. Et on avait des catalogues de jouets en abondance avec effectivement, oui, le prix dessus. Donc on se dit, ah bon, oh, celui-là, ça va peut-être passer. On sait jamais. On va mettre sur la liste au Père Noël. Il est génial. Tes parents laissaient vraiment un verre de rouge. Ah ouais. Oui, oui, oui. C'est énorme. J'adore. Ouais, moi je connaissais le verre de lait, tu vois, et les cookies ou la clémentine ou le chocolat. Chez nous, ils préféraient le rouge. C'est trop mignon. Putain. C'est trop mignon. T'imagines un verre de rouge à chaque maison et putain, ça tournait, il a fini à quatre pattes. Hein. J'ai bien aimé la clémentine, il l'a pas terminé. Par contre, le verre de rouge aussi. Non mais c'était très beau. Merci Martin de nous avoir partagé ça. C'était pour cet instant magique. C'était très chouette, Martin, parce que moi, ça me rappelle que mon père, à moi, il laissait une petite poire dans un petit digestif avec... Et moi, je laissais mon petit pain au chocolat pour le Père Noël, tu vois. Oh, mignonne. Ouais, il était heureux, le Père Noël, tous les ans. Il avait son stock de nourriture et de boissons pour l'année, quoi, en fait, en passant chez tous les foyers. Mmh. Et vous aviez aussi... Vous laissiez... aussi vos chaussures au pied du sapin? Ah bah bien sûr, sinon il passait pas le Père Noël. Moi pas du tout, parce qu'on m'a très vite dit, on m'a tout de suite dit que le Père Noël n'existait pas, donc moi j'ai jamais eu le Père Noël. Ouais, ma mère, en fait un jour de colère, ma mère m'a récupérée chez ma nourrice et je la saoulais pour mettre à la boîte aux lettres la lettre du Père Noël, mais je devais avoir, je sais pas, 5-6 ans, un truc comme ça. Et de colère, elle m'a dit: bon, de toute façon, tu me saoules, le Père Noël n'existe pas, on ira faire les courses plus tard. Boum. Et là, j'ai... la désillusion, j'étais là, genre, ah ouais, d'accord. Ah donc, en fait, on m'a arnaqué. Ouais, d'accord, bon. Ah, c'est alors, si c'est ta mère n'a jamais été assez sage pour pas recevoir les cadeaux du Père Noël, parce qu'on sait tous que le Père Noël existe, même encore aujourd'hui. Oui, bien sûr, évidemment. Ah, oui. Donc, j'ai dit: si c'est comme ça, je vais révéler la vérité au grand jour, et je l'ai dit à toutes mes copines à la récré, ça a fait pleurer tout le monde. Mais ça, moi, j'étais bien contente. Ah, là, bah ouais, grave. Bien contente en plus. Ah bah, j'étais bien contente parce qu'il n'y avait pas que moi qui était dans cette désillusion, tu vois. Genre si moi j'avais eu le choc de ma vie, les autres devaient l'avoir aussi, tu vois. Ah ouais, t'es comme ça, toi. C'est ouais, bon. Tu vais partager tes malheurs. J'aime bien. Ah, moi je suis une garce, hein. Je le sais, je l'assume. Ouais, hein. C'est assez marrant hein, que mon frère et ma sœur, alors moi ils me l'ont pas dit, mes parents, parce que c'est pas qu'ils s'en foutaient, mais c'est que je l'avais deviné, enfin peu importe. Par contre, mon frère et ma sœur, ils s'en doutaient pas. Et ma mère, quand elle leur a dit. Non, même pas. J'étais là, par contre, pour observer la scène, et ça, c'était beau. Elle leur a dit, et bah, ils l'ont pas cru, en fait. Ils ont dit, bah non, tu dis des conneries, man. Pourquoi le Père Noël n'existerait pas? C'est logique, ton truc. Bien sûr. Ils ont raison. Mais... ils ont raison. Non, moi, je me marrais. Enfin, oui, c'est, ils ont raison. Mais... Sinon, il y a des choses que vous retrouvez dans le petit conte de Martin, là, le conte de son enfance. Il y a des rituels comme ça que vous retrouvez, Teddy, par exemple. Bah, moi, en vrai, moi, je me suis vraiment retrouvée dans ton histoire, Martin, et je m'interrogeais toujours par mais où est passé le Père Noël, parce que quand j'étais petite, on vivait en appartement, donc forcément, il n'y avait pas l'illusion d'imaginer que le Père Noël allait rentrer par la cheminée, tu vois, on n'en avait pas. Par contre, beaucoup plus tard, on a eu un poêle à bois. Et là, j'étais là, je me suis dit, mais par où va-t-il passer, tu vois. Parce que le tuyau est petit, mais bon, il se faufile, le Père Noël. Il envoie les lutins. Tu vois, bah, il aurait pu brûler les fesses ou les chaussures, tu vois. Je me demandais toujours comment il allait faire pour arriver. Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Mais il ne brûle pas, il est incombustible. On laissait la porte d'entrée ouverte à clé pour que le Père Noël puisse entrer. Voilà. Mmh. J'ai cru qu'elle allait dire la porte du poêle qu'elle laissait ouverte. Voilà, comme ça, il se brûle. Réduction monoxyde de carbone. Ouais, génial. Il a chaud aux fesses, mais pas longtemps parce que c'est ouvert. C'est pas faux. Non, mais la porte d'entrée, c'est une très bonne idée, effectivement, quand on est en appartement. Parce que le Père Noël, il peut prendre l'ascenseur, voilà. Et il l'empêche de le faire. Non, il suffit qu'il garde bien son renne devant la fenêtre, et puis voilà, il peut passer par la fenêtre aussi. Hein, et aussi. Il a plein de méthodes. Hein. Il peut tout faire. Il est plein de ressources. En créneau. Il est imbattable. Non, en traîneau, pas en créneau. Les deux. Oui, les deux. Merci Martin en tout cas pour cet instant de magie. Et on peut continuer Ça vous a fait plaisir. Mais ouais. c'était très sympa et on peut continuer d'avoir cette magie, même quand on est grand et quand on a des enfants aussi. Forcément, on partage cette magie des fêtes de Noël avec tout ce qui va avec, cette magie du Père Noël, du traîneau. De la neige qui tombe alors moi j'avais quand j'étais petit, je voyais le Père Noël en fait passer tous les ans au-dessus de chez moi, parce que j'habitais en région parisienne, et il s'avère que pas très loin de d'où j'habitais il y avait une ligne qui menait à l'aéroport, donc voilà. Mais il y avait et je regardais le ciel une fois par an. Tu voyais le ciel à Paris? Non, c'était pas à Paris, c'était en région parisienne. Ouais, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas pareil. Il n'y avait pas d'immeuble autour de moi, il n'y avait pas, tu vois ce que je veux dire, c'est le 91, l'Essonne. C'était des maisons individuelles comme, j'allais dire comme chez toi, mais non, comme chez tes parents à la campagne, tu vois. Et de là où je regardais le ciel le 24 décembre, et tous les ans, bah forcément, je voyais le traîneau du Père Noël qui arrivait. Quoi. C'était un petit peu mon privilège d'habiter dans le 91. Voilà. T'es sûr que c'était pas l'Airbus 360 ou un truc du genre? Mais non, te dis, qu'est-ce que tu racontes là? Est-ce que tu racontes? Le top 5 des films de Noël pour les enfants, les petits-enfants, les grands-enfants, hein, on va en parler avec toi Audrey dans un instant, après avoir écouté une qui ravive la magie de Noël, puisque c'est Anna Free. Voici Light You Shine sur Indestar, maintenant, dans cette émission à la maison. 21h-23h, vivez le confinement avec nous sur Indestar. C'est l'émission à la maison. Émission à la maison jusqu'à 23h minimum hein, pour cette soirée du vendredi. J'espère que la semaine s'est bien passée. À l'écoute d'Indestar.fr pour cette émission à la maison où nous abordons le thème de l'enfance, le thème de la nostalgie et puis bien sûr, parce que c'est le moment d'en parler, le thème de Noël. Hein, dans quelques jours, ça y est, ça approche. Vous êtes sûrement à la case 18-19 demain du calendrier de l'Avent. Donc plus ça va, plus les chocolats sont bons, ou en tous les cas, je l'espère, si vous avez eu la chance d'avoir un calendrier de l'Avent. Et puis à la télé, bah bien sûr, il y a des films de Noël, hein. On ne peut pas passer à côté, perdre du Nordure et compagnie, évidemment. Et ce soir, Audrey va nous faire le premier top 6 de l'histoire de la radio, avec le top 6 des films de Noël pour les enfants, alors qu'ils soient petits ou grands, hein, parce qu'on est tous des grands enfants, et on peut continuer de regarder ces jolis films que tu vas nous proposer, Audrey. Oui, exactement, top 6, alors je dirais plus top 5 avec 2-5 ex aequo, parce que je n'ai pas su les départager, donc on veut dire top 6 si tu préfères. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet avec un film que j'ai découvert adulte, parce que il s'agit de Klaus, qui est le premier film d'animation produit et diffusé sur Netflix. Je l'ai vu, mais c'est un film espagnol de Sergio Pablos qui est donc sorti en 2019. Mmh. Et donc, c'est la légende de Klaus, ou Klaus tout simplement, qui raconte l'histoire de Jasper, le fils du directeur de l'Académie Postale Royale. Bon, le gamin est pourri gâté, il a un baobab dans la main, genre c'est vraiment un sale gamin ingrat, on peut le dire. Et pour le punir, son père décide alors de lui lancer un ultimatum et l'emmène au-dessus du cercle arctique sur l'île de Smeerenburg, où il va découvrir deux familles rivales qui se détestent mais depuis des siècles et qui passent leur temps à se battre. Et dans cette ville, le service postal n'est jamais utilisé, la poste est à l'abandon et Jasper va devoir tout reprendre à zéro et réouvrir cette poste et aussi réaliser des petites quêtes au village. Pourquoi ces deux familles sont en guerre? Qu'est-ce qui se passe dans la forêt? L'univers est magnifique, vous pouvez le regarder avec vos enfants. C'est vraiment hyper sympa. Je pense qu'il est toujours sur Netflix d'ailleurs. Ouais. Donc ça c'est mon numéro 6 et mon numéro 5 presque ex aequo, c'est Les 5 légendes. Pareil, un film que j'ai découvert plutôt adulte puisqu'il est sorti en 2012. Les 5 légendes, c'est un film américain de DreamWorks. Donc là, c'est produit... Ah oui, c'est un film ou un film d'animation? Bah, c'est toujours un dessin animé, mais c'est un film d'animation, pardon. Mm-hmm. Film d'animation en 3D, produit par Peter Ramsey. Et, le petit frère de hyper... Gordon Ramsey. Pardon, non, je déconne. Non, t'es dit. C'est bon, j'arrête. C'est pragmatique, mais ça ne marche pas. Laura, hein, qui nous écoute. Non, avec... et qui est la championne incontestée des blagues pragmatiques. Donc pareil, les 5 légendes, si vous voulez vous faire plaisir en regardant un film avec vos enfants, le top. On est dans un Moyen-Âge où des personnages mythiques qui sont à l'ordre de 4, le Père Noël, la Fée des Dents, le Marchand de Sable et le Lapin de Pâques protègent les espoirs et les rêves des enfants. Mais ils sont en danger, car Peach... qui n'est autre que le croque-mitaine ou bonhomme de 7 heures en fonction de là où vous habitez, en a assez que les enfants ne croient plus à lui et n'aient pas peur de lui dans les cauchemars, qu'ils décident de s'en prendre à leur source de leur pouvoir, le rêve des enfants. Et ainsi, les gardiens doivent alors faire appel à un homme secret, un homme mystérieux, l'homme de la lune, autrement dit Jack Frost. Ta-da! Et donc, ils vont devoir sauver les enfants avec l'aide de tous ces héros. Alors, il se passe au moment, pas vraiment au moment de Noël, mais il y a le Père Noël dedans, donc ça compte quand même, et puis je l'adore. T'as raison, t'as raison. Mais en tout cas, tu nous fais vivre comme si c'était la bande-annonce, là. Ça... Eh ben, avec plaisir. Le moment du rêve. Donc, le réveil des gardiens en québécois, enfin, le réveil des gardiens en québécois et les 5 légendes en français, que vous pouvez très facilement retrouver sur l'internet, qui vous feront passer un merveilleux 97 minutes d'enchantement. Ensuite, on passe à un classique de chez classique des années 2000. Si je vous dis que le réalisateur, c'est Ron Howard, et que le personnage principal est une espèce d'ogre poilu vert... Shrek. Ça vous parle? Ah oui, le Grinch. Non. Merci, Martin. Merci, raté. Le Grinch. Il y en avait mais deux. C'est vrai évidemment. Que le bonhomme vert, ça, moi, je pense soit au géant vert, soit à Shrek, hein, donc c'est pour ça. Bah, mais non, les garçons. Il y a le deux Grinch, teams, Grinch ou Shrek. Cette espèce de croque-mitaine au poil vert qui arbore un sourire démoniaque avec des dents dégueulasses, qui est un misanthrope exilé et qui vit depuis 53 ans sur une grotte dans le mont Crumpit avec son chien Max. Mais le Grinch est amer, il déteste les enfants, et il déteste Noël, et il déteste tout en fait. Et il va décider que cette année, Chouville n'aura pas de Noël. Il va alors saccager Noël et voler tous les cadeaux. Mais Martha, une petite habitante de Chouville, va alors prendre son courage à deux mains et aller montrer au Grinch que finalement, c'est bien d'être gentil parfois. Et alors vous allez suivre toutes leurs aventures avec un monstre qui fait un peu peur, mais vraiment, vous avez passé un super moment. Surtout que... oui. Merci. Merci. Oh, c'est magnifique. J'adore ce commentaire, c'est le meilleur du siècle. Surtout que oui. Et ouais, non, c'est ça, le commentaire de la critique. Ouais, surtout que oui. Hein. Oui, c'était très nécessaire. Merci, non, Théo. 5 étoiles, allez. Hop. Donc, si je me rappelle bien, pour la quatrième place, le Grinch. Passons à la troisième place. Alors là, attention, si vous avez des enfants en bas âge, bon, faites un petit trigger avant, enfin, prévenez-les. Je vous parle évidemment du drôle de Noël de Monsieur Scrooge de Robert Zemeckis et produit aux États-Unis par Walt Disney Pictures. Le Noël de Monsieur Scrooge, c'est la mise en film d'animation de Carol's Bells, le conte de Charles Dickens. Alors, on connaît Charles Dickens avec la petite fille aux allumettes et tout ça. Autant vous dire, c'est pas joie. Enfin, c'est assez, c'est presque, enfin, c'est pas horrifique, mais c'est assez impressionnant, surtout pour des tout petits. Et pourtant, Disney, hein. Ouais, c'est un Disney, mais tu regardes certains Disney. Ouais, c'est vrai. Bah, alors, les Disney sont jamais hyper positifs, mais. Non, mais pas que positifs. Blanche-Neige, au début, la scène de la sorcière. Ouais. Faut t'accrocher hein, quand t'es petit. Hein. C'est pas faux. Bambi. Mais il y a quand même des paillotes. Bambi, ouais, c'est pareil. Bambi, ouais. Bref. Elle est morte, la mère. entièrement dead. En carpaccio. Donc, pour revenir au drôle de Noël de Monsieur Scrooge, le film se passe en 1843, la veille de Noël. Ebenezer Scrooge est un vieil usurier méchant, misérable, qui vit dans une maison pourrave en Angleterre. Et il ne partage absolument pas la joie de Noël, mais il va décliner l'invitation de son neveu à dîner, et en rejetant cette offre et plein d'autres offres, un fantôme va venir lui apprendre ce que c'est les bonnes manières et va venir lui expliquer ce que c'est la magie de Noël. Donc, il reçoit la visite de fantômes des Noëls passés, un fantôme en forme de bougie qui le ramène à ses débuts. Et on découvre que les débuts de la vie de Monsieur Scrooge sont assez tristes. Et on va comprendre pourquoi il est devenu aussi acariâtre et aussi méchant avec tout le monde. Il y a pas mal de films d'animation, de films qui reprennent cette idée-là de la personne, en gros, qui est le moins apte à aimer Noël, qui se fait amadouer, on lui raconte des belles choses et du coup il devient. Et tout est bien qui finit bien dans un monde tout rose de paillettes. Mais parce que tu parlais au début de Klaus, c'est la même histoire, quoi. Le gros méchant qui devient le Père Noël, quoi. Non, Klaus, c'est différent. Il est pas particulièrement méchant. Non, il n'est pas déjà particulièrement méchant, mais alors, déjà, premièrement, t'es pas obligé de spoiler les films. Deuxièmement, évidemment, la quête initiatique, c'est nécessaire dans des films pour enfants. Il faut une morale à ces films. T'es un gros méchant, tu peux être un super gentil après. Voilà, exactement. Parce que l'amour, l'amitié, les valeurs, tout ça, ça reste des films pour enfants, même si vous pouvez les regarder adultes. Moi, j'adore m'en faire de temps en temps des films de Noël, enfin des dessins animés de Noël. Justement, l'un de mes préférés, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 2, c'est Le Pôle Express, un film de 2004 de la Warner Bros. Toujours par Robert Zemeckis, je galère à prononcer son nom, donc le même que le précédent, qui est absolument incroyable. Un jeune garçon se met à douter de l'existence du Père Noël quand tout d'un coup au milieu de sa rue débarque un train mystérieux direction le Pôle Nord. Et dans ce train, le Pôle Express, ce jeune garçon va découvrir des petits camarades qui eux non plus ne croient pas à Noël. Mais alors que le train va de plus en plus vite et qu'il mène vers de plus en plus froid, et peut-être jusqu'à atteindre le Père Noël, les personnages prennent conscience qu'ils ont un don. Mais lequel est-il ? Je vous le laisserai découvrir en regardant Le Pôle Express. Oh, c'est vraiment un de mes films préférés ever. Vraiment top. C'est vieux, ouais, ça, comme film, ou pas ? 2004. Ah oui, ouais, c'est 2004, et puis c'était un petit peu une, enfin, ouais, si, une révolution au niveau graphique. Effets spéciaux, ouais. Moi, j'aime pas les trains. Dès que j'ai vu un train, j'ai pas. Les cinq légendes et le Pôle Express pour les enfants qui veulent. Si on veut redonner un petit peu de magie aux enfants par rapport à Noël et ce qui va autour, il faut absolument regarder ces deux films. C'est essentiel, en fait. Moi, c'est et puis, même, on est d'accord qu'en tant qu'adulte, tu passes un super moment. Mais carrément. Alors, c'est vraiment pas ce genre de film où tu mets les mômes devant et tu t'en vas faire autre chose. Tu peux vraiment partager un vrai moment. Ouais. C'est un film qui me... Ce sont deux films qui vraiment me captivent à chaque fois. Je reste scotché sur le canapé, quoi. Je regarde. Ouais, parce que c'est des films qui prennent pas les mômes pour des neuneux, en fait. Ils parlent de vrais sujets avec profondeur, avec intérêt. C'est pas juste « Ah, MDR, le Père Noël, t'y crois pas ». Il y a toute une idée de la croyance, du maintien, des traditions, des choses comme ça. Enfin, vraiment, ouais. Le Pôle Express, ça reste un énorme coup de cœur. Mais mon coup de cœur ultime de film de Noël que je dois regarder au moins 2-3 fois par an reste indubitablement l'extraordinaire L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ah oui. Du grand Tim Burton, est sorti en 93, un an avant ma naissance. Mais il n'a pas pris une ride. Tu voulais dire, Teddy? Ah non, j'ai rien dit. Mais non, je disais juste... En fait, je m'en doutais un peu que c'était ça en premier, parce que c'est quand même très répandu, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Je pense que beaucoup de gens adorent ce film. Les classiques. Ouais, c'est clair. Bah, les musiques, l'animation, l'ambiance, tout est incroyable. Tout est super bien. C'est vrai. Et alors, le Père Noël est une ordure C'est pas un classique. J'aurais pu en parler du Père Noël. Après, j'aurais pu vous parler comme on parlait en off avec Virginie, de Beethoven, Elf, les Gremlins, le Père Noël est une ordure. Bien sûr. Mais je voulais parler de dessins animés, de films d'animation, peut-être un peu moins connus, enfin, du moins des films qui ont vraiment une énorme place dans mon cœur d'enfant quand les périodes des fêtes approchent. Je comprends. C'est clair. C'est vraiment ce qui t'a marqué, toi, en tant qu'enfant. Sur cette thématique de Noël. Ouais, sur la thématique de Noël, bien évidemment. Bah merci, c'était très intéressant. Très belle sélection. Très belle sélection. Top 600, en plus, c'est la première fois dans l'histoire de la radio. Ah, il assiste bien dessus. Hein. Mais c'est vrai, on bouge les conventions, attention. Oh bah oui, au moins, la révolution est proche. Exactement. Elle est en marche. En arrière, alors du côté radio tout à l'heure, et puis juste avant, du côté télé, ce qu'on avait à la télé dans les années 90, parce que c'est mon enfance, c'est l'enfance de Virginie aussi. Parce que oui, ils avaient la séries, télé. Les séries, les films, pardon ? Parce que oui, ils avaient la télé. Oui, on avait la télé dans les années 90. Bah oui, comme je disais, c'était indispensable et c'était même, enfin, personne ne l'avait pas, à part la prof de maths, évidemment. Et il y avait un truc de dingue aussi, t'es dit, c'est qu'on avait un magnétoscope. Exactement. Ah non, mais attends, oui, ça j'ai connu. J'en ai eu aussi. Hein. J'ai connu quand j'étais jeune. Et on avait le kinéscope aussi pour filmer nos repas de Noël. Ah non, ça oui. Non. Ça il y avait pas. Il y avait pas de montage sur les kinéscopes. Hein. C'était les cassettes, c'était papy qui filmait et après brutage, c'était monté brut. C'était un truc de ouf, quoi. Ah bah, des fois c'était très long hein, à regarder après. Des fois on filmait des trucs, on les regardait jamais hein, mais bon c'est oui, il y avait le caméscope. Ça fait partie des souvenirs. Exactement, c'était mon grand-père qui avait le caméscope hein. Sinon on n'avait pas de caméscope à la maison. On prenait des photos en Argentine. Bref, c'était une autre époque, mais on va en parler dans un instant, ce qu'il y avait à la télé, les séries, les films, voilà tout ce qui nous a marqué dans les années 90. Après avoir écouté Boss Nation avec Watermelon Sugar Flav, reprise remix d'Harry Styles, maintenant sur Indestar dans cette émission à la maison du vendredi soir. 21h-23h, vivez le confinement avec nous sur Indestar. C'est l'émission à la maison. Finalement, il n'est pas si mal que ça, ce confinement, quand il est sur Indestar. www.indestar.fr, tous les annuaires. Et puis, si vous avez loupé un bout de cette émission, il y a les podcasts hein, qui sont disponibles sur toutes les plateformes. Donc, que ce soit sur la tablette, le smartphone, je ne sais pas, sur votre ordinateur, PC, Mac, peu importe. Vous avez la possibilité de réécouter cette émission où vous le voulez, par exemple, dans la salle de bain, en prenant un bain, pour écouter cette émission spéciale Noël, spéciale enfance aussi. On a tout mélangé, on a mis ça dans un checker, c'est le mot que je cherchais. Et ce soir, donc, nous remontons dans les années 80, 90, 2000, l'époque de notre enfance, qui est pas la même hein, pour chacun des membres de l'équipe, parce que nous avons des jeunes comme Martin, nous avons des vieux comme moi ou comme d'autres. J'adore. Je kiffe. Virginie, mais tu en fais partie. Et voilà, comme ça s'est fait. Et dans les années 90, d'ailleurs, tu vas m'accompagner sur ce sujet, Virginie, à la télé. Alors, il y avait des dessins animés. Je sais pas trop si je peut-être si tu veux participer ou si t'es vexé. Non, tu vas voir que à ton discours et la façon dont tu vas réagir sur les choses, on va voir qu'on est de la même génération ou à peu près. C'est évident. Il y a même des tu vas le sortir passer. Alors, moi, la vieillesse en toi là. Exactement. Et non, mais pourquoi je demande l'aide de Virginie? Pourquoi je de Virginie? C'est parce que elle a beaucoup plus regardé la télé que moi, parce que moi j'étais limité en horaire, hein, pour regarder la télé. Donc j'ai suivi les dessins animés, dont ce qui m'a marqué, alors tout ce qui est Looney Tunes, hein, il y avait Titi et Gros Minet, il y avait Tom et Jerry, la souris, et puis le chat qui sourd indéfiniment, hein, après. Il y avait Daffy Duck, il y avait la Panthère Rose, les dessins animés. Alors non, moi non. Je regardais Lucky Luke. Ah, les sacs cartoons. Regardez les sacs cartoons. Ah, les sacs cartoons, ouais, exactement, c'était l'émission. Ouais. Les Lucky Luke, j'en ai eu 2-3 VHS comme ça. On était Lucky Luke avec ma sœur. On a regardé pas mal. Il y avait Bip Bip et Coyote. J'adorais. C'est pareil, c'est sur le même principe. C'était mon préféré. Ah ouais. Quel était mon préféré, c'est ça? Non, c'était celui le préféré de Virginie. C'était ton préféré. C'était énorme. Alors, c'était le même principe que Titi et Gros Minet ou Tom et Jerry, hein, et c'était un qui court après l'autre, mais l'imagination du coyote pour élaborer des plans pour capturer Bip Bip, c'était énorme, quoi. Bip Bip, piou, et le truc il s'en allait à 10 000 à l'heure à chaque fois. Et puis Bugs Bunny aussi, enfin voilà, tout ça faisait partie des animés que ouais, c'est exactement ça. Et d'ailleurs le Bugs Bunny, je l'ai eu en jeu vidéo après sur la Mega Drive. Et ben, oh putain, ça cartonnait, hein. Non, je ne vous le conseille pas, il est hyper dur. Ah, ça fait partie des jeux infaisables. Ouais, comme Tintin, ça fait partie effectivement le Bugs Bunny sur Mega Drive, des jeux hyper durs. Où Tintin, c'est pas que hyper niveau. Dur, ça n'a rien à voir, c'est juste Est-ce que c'est hyper nul. Bunny l'a fait. Oui, mais oui, bien sûr qu'il l'a fait, Tintin, mais c'est nul. Sur la Mega Drive. Bah oui. Sur Mega Drive, le joueur du Bunny l'a fait. Oui, il y a un épisode de Joueur de Grenier sur Tintin, mais je me suis, c'est Tintin au Tibet, et je me suis complètement reconnu dans la façon dont il argumente les niveaux. Et oui, il y a des choses qui sont impossibles à faire, c'est bugué de ouf ce jeu, et du coup ça le rend hyper compliqué. Et tu dis Bugs Bunny, ça fait très enfant, quoi, donc tu t'offres ça à ton gamin de 8 ans, bah il galère, hein. C'est-à-dire que à 12 ans il est après, toujours après il devient un gamin frustré et incompétent et c'est voilà. Ça c'est ça peut-être. Voilà, intolérant ça... pardon, c'était pas incompétent que je cherchais, c'était intolérant. C'est les dessins animés que je regardais. Est-ce que t'en avais d'autres toi, Virginie? Alors moi j'ai été comme toi, j'étais très sac cartoon, et notamment c'était le dimanche soir en décrypté, parce que c'est donc en fait j'attendais ça avec impatience avec mes petites sœurs. On se regardait ça après les douches, avant d'aller à l'école le lendemain, on prenait tout le temps les douches le dimanche, machin. Enfin ouais, c'était un petit rituel. Mais pareil, pareil. Et donc on attendait ça cartoon avec impatience, mais bon, on avait d'autres. On a eu aussi, je trouve, cette chance d'avoir des émissions animées par notamment Dorothée. Oui. On a eu. Mes petites sœurs après suivaient, et moi je suivais ça de loin parce que c'était rigolo aussi. Ça s'appelait les Minicums. C'était sur, c'était bien les Minicums. C'était à mon époque ça. C'était rigolo, les marionnettes, ça me faisait penser aux guignols. Les guignols de l'info, je sais pas si ça bien vous parle. Bien sûr. De l'info. Bien sûr. Ouais. Et c'est pareil. C'était aussi sur Canal, hein, les guignols. Voilà, donc notamment Canal est toujours en décrypté parce que c'était la. Juste après le journal. Alors, en fait, c'était l'émission, ça s'appelait Nulle part ailleurs. C'était animé par Philippe Gildas, et donc on avait souvent les interventions très farfelues d'Antoine Decaune, de José Garcia. Et avant Antoine Decaune et José Garcia, il y avait les interventions des guignols de l'info, et qui avaient vraiment un bref actu qui était énorme, quoi, pour l'époque. C'était vraiment la période Canal+, hein, les années 90, donc avec les périodes cryptées et non cryptées, mais le Canal+ de l'époque avait vraiment marqué les esprits avec toutes ces émissions, et notamment Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, on a eu aussi, je ne sais pas si vous avez connu, j'ai vraiment l'impression de parler comme une vieille, Les Déchiens. Alors Les Déchiens, je suis toujours une fan addict des Déchiens, de François Morel, Bruno Locher, Yolande Moreau. Non, ça vous parle non, pas. Ça, non, ça, on est trop jeune. Je connais, mais j'ai jamais trop. J'ai bloqué sur des chiens, moi. À voir sur YouTube, parce que vraiment, je me tape toujours des barres de rire en les voyant. Mais regardez à l'occasion un sketch, ça dure 3 minutes, c'est vraiment excellent. C'est bidonnant à souhait. Mm-hmm. Et on était aussi sur la période, parce qu'on est en pop culture, Les Inconnus. Alors, oui, les oui. Dans les années 90, c'était la team, tu étais team inconnu ou tu étais team les nuls. Les nuls. Et les nuls, pareil, Canal+, c'est vrai qu'on c'était aussi les nuls Canal+. Hein. Ah ouais, carrément. Et puis bah forcément, il en a découlé des films hein, de ces humoristes. On a eu La Cité de la Peur par les nuls dans les années 90. 94 exactement. On a eu aussi, ouais. 94, tout à fait. Et on a eu également le plaisir de découvrir les trois frères. Ouais, par les inconnus. Par les inconnus, et c'était juste énorme. Donc je dirais effectivement que au niveau cinématographie française, les années 90, pour moi, c'est ça. Ce sont effectivement les inconnus et les nuls. Et du coup, toi, t'étais team quoi ? Les nuls ou les inconnus ? Inconnus. J'étais plus les inconnus. Ouais. D'accord. Et toi, Théo ? Ouais, les inconnus aussi complètement. Mais j'aime bien la Cité de la Peur. Il est excellent. Il y a certains sketchs des nuls et même le concept hein, des nuls, l'émission qui était top. Mais j'avoue que j'étais plus penché sur le sketch des inconnus. À ta réponse, Martin, je devine que toi, c'était peut-être les autres, les nuls justement, que tu préfères, non ? Ouais, moi, énorme fan des nuls. Quand j'ai découvert ça, je me suis rendu compte qu'il y avait tous les épisodes de Burger Quiz sur YouTube, les épisodes à l'ancienne. Mmh. Ouais. Du coup, j'avais regardé tout ça et j'étais émerveillé d'apprendre qu'ils reprenaient en... C'était quoi ? C'était il y a 2-3 ans. C'est toujours le cas, d'ailleurs, à la Chabat. Mais Chabat n'est plus animateur. Présentateur. Présentateur de cette émission, ouais. Mais l'émission a repris. Et toi, Audrey, tu préfères quoi entre les deux ? Petit tour d'équipe. NSPP, je ne me prononce NSPP. Pas. D'accord. Merci. Allez, salut, bonsoir. C'est réglé. Je pense que c'est. Voyons, on évoque des épisodes comme ça quand il n'y a rien à la télé. Enfin, moi, c'est souvent, je me branche sur YouTube et je regarde soit des émissions culinaires, soit des sketchs que j'ai pu. Parce que j'ai plus de magnétoscope, figurez-vous. Incroyable. Oui, donc du coup, c'est bien regrettable tout ça. Les temps changent, ma bonne dame, Alors du coup, je reviens sur YouTube et c'est énorme parce que du coup, tu revois plein de choses que t'as vu. Tu dis, oh là là, c'est vrai, il y avait ça, c'est trop énorme. Et moi, ce que j'adore, en fait, c'est les fausses pubs des nuls. J'adore regarder ça et j'adore regarder aussi l'intégrale des inconnus. Et les sketchs aussi en scène. On connaît par cœur, mais c'est pas grave, on adore quoi. Le CCC, le comité contre les chats, c'est les nuls, non ? C'est les inconnus, nuls, ouais. C'est les nuls. Ouais. Le CCC, ouais. Mais tu parlais d'émissions culinaires, Virginie. Alors dans les années 90, il y avait La Cuisine des Mousquetaires. Il y en avait beaucoup, Maïté. Ouais. Assurez-vous que l'anguille est bien morte. Bam ! C'est exactement ça. Ouais, elle avait galéré avec l'anguille, mais c'était très. On a connu là, je sais plus. Elle osait plus bouger à côté de la Maïté. Tu sais, elle était toute timide. Elle avait un tel charisme, Maïté à la télévision. C'était assez impressionnant. Après, c'était pas du tout les émissions comme on peut le voir aujourd'hui, les Top Chef et compagnie. Là, c'était de toute façon toujours avec de l'huile d'olive. Et 15 kilos de beurre. Et du beurre, évidemment. Et c'était les recettes à l'ancienne, mais ça fait partie de la télé des années 90, les émissions de Maïté. Moi, je me souviens aussi du Hit Machine, si on parle de musique, avec Charlie et Lulu, Le Feu ça brûle et L'eau ça mouille, tout ça, où il y avait tous les groupes du moment. Alors, les groupes qui ont marqué l'histoire de la musique, et puis les boys band, les girls band de l'époque, les To Be Free, les World's Apart et compagnie qui sont passés par là. Qui faisait souvent du playback sur le plateau, mais c'était cool parce que ça passait des clips, il y avait des invités en direct, etc. Il y avait de l'ambiance. Donc le Hit Machine pour la musique, il y avait le en jeu télé. Tu te rappelles du Big Deal, j'imagine, Virginie? Ah aussi. Mais ouais, mais nous aussi on s'en rappelle. Ma mère était fan de ce truc-là. Enfin moi je trouvais ça con comme jeu. Ah ouais. Minutes, ah mais c'était con, oui. Mais mais en même temps Vincent Lagaffe quoi, les beaux, le lavabo, tout ça, donc forcément ça volait pas bien haut. Mais moi je trouvais ça cool, l'interaction avec Bill, qui était quand même donc une intelligence artificielle, un personnage qui venait d'une autre planète, qui était sur le plateau. C'était la première fois qu'on mettait comme ça sur un plateau un personnage virtuel qui faisait le lien entre les téléspectateurs, qui était l'ami de Vincent. Et puis voilà, il y avait plein de jeux à un peu à la Interville quoi, avec avec de l'eau, de la farine, des élastiques géants, des costumes de sumo, voilà. Enfin, tout, ah, et puis tout le ça. Bill, l'extraterrestre. Oui, c'était Bill. Ça, Bill. Ouais. Donc, qui donnait et les cadeaux en émission musique, tu vois, je rebondis par rapport à ce que tu disais. Tu parlais du Hit Machine, mais il y avait un rendez-vous incontournable aussi avant Nulle Part Ailleurs sur Canal, parce que en fait, il y avait quand même pas mal de trucs sympas à regarder en décrypté sur Canal. Mm-hmm. Ça s'appelait le Top 50. Avec Salut les petits clous. Et là, vraiment, tu avais toute l'actu musicale du moment, quoi. C'est un truc que je ne loupais pas, ça. Le top 50, c'était. Enfin, avec un générique iconique du top 50. Ouais. Musique que l'on a écoutée l'autre fois durant ma chronique tout au long. C'est-à-dire que ça rentre bien dans la tête, ce générique, tu ne peux pas y passer à côté. Et puis à la télé, il y avait aussi des séries. Alors il y a plein de séries où je suis passé un petit peu à côté, soit parce que j'étais pas fan, soit parce que j'avais pas eu l'occasion de trop les regarder. Friends, bien sûr, qui est arrivé en 96 en France, hein, avec la musique des Rembrandts dessus. Il y avait Charmed aussi à la fin des années 90. X-Files. Alors, X-Files, c'est pas trop mon univers, hein, mais c'est vrai que ça a bien marqué les esprits. C'était si bien avec Scully. Oh, c'était si bien. Maintenant, on peut retrouver l'actrice. T'as oublié Beverly Hills, Théo. Oui, Beverly Hills. Non, mais j'en oubliais plein. Il y avait Urgence pour les premières émissions qu'on cartonnait après avec Dr House et compagnie, où on est dans un hôpital et tout ça. Bon, il y avait H hein, aussi dans les hôpitaux, mais. Ouais, c'est pas vraiment la même chose. C'est le même concept. H Canal Plus hein, aussi, et que j'ai regardé entièrement dernièrement, parce que j'en avais vu quelques extraits, mais bon, c'était sur Canal au départ, donc c'était un peu compliqué pour regarder. Le Prince de Bel-Air aussi, où je me suis refait toutes les saisons, ça fait partie des séries des années 90 que j'ai suivi un peu à l'époque, mais comme ça, de temps en temps, en fait, en voyant un ou deux épisodes. Walker Texas Rangers aussi, Seth à la maison. Alors, Seth à la maison, j'ai regardé aussi quand même. Et puis le début des Simpsons, hein, c'est pareil, sur Canal dans les années 90 aussi. Hein. Mais t'avais aussi un autre truc dans les. Alors, je crois que j'étais pas né quand c'est passé, mais ma mère elle regarde souvent ça, elle regarde même la suite, là, il y a une suite de ça. Ça s'appelle Les Mystères de l'amour ou un truc du genre. Ah oui, alors ça c'était les Hélène et les garçons. Ouais, Hélène voilà, c'est Hélène ça. Et les garçons. Ah, c'est de conneries. Et les abeilles. Tout ça c'était dans le Club Dorothée. Et c'était les AB Productions, donc c'était les sitcoms. C'était parce que dans les années 90, c'est vraiment les années sitcoms. AB Productions qui a produit. Alors ça commençait par Les Musclés à la fin des années 80. Et puis après, il y en a eu 10 000 des séries comme ça. Bon, quand on les regarde aujourd'hui, clairement, ça pique les yeux. Qu'est-ce que c'est en carton? L'acting est dégueulasse. Oui, rien ne va. Rien ne va, effectivement. Je suis d'accord avec toi, mais pourtant, c'est vrai que ça a marqué les esprits, toutes ces séries-là, que j'ai pas eu trop l'occasion de regarder. Bon, est-ce que c'était un match? J'en sais rien. Mais voilà, il y en a eu. Par contre, il y avait une série, une sitcom que je regardais à l'époque parce que c'était le dimanche soir. Je sais pas si tu te rappelles de ça, Virginie, c'était Maggie. Maggie ? Alors oui, tous les dimanches soirs, ouais. Enfin, c'est pas moi qui regardais ça, là par contre, pour le coup, c'était mes grands-parents qui regardaient ça. Attends, mais je connais pas, moi. Famille, Maggie, c'est quoi, c'est quoi Maggie ? Pour montrer à quel point Théo mais est oui, vieux. Mais générique... Rick énormissime. Oui. Mais oui, Maggie. Je l'ai pas, c'est dommage, je l'ai pas en extrait. J'ai vraiment cru que t'avais mis Diva MacGyver là en fait. Non, c'est Maggie. Maggie. Ah non, Maggie, c'est vraiment. Maggie, ça n'a rien. Tu veux le générique de MacGyver? Vas-y, mets le générique de MacGyver. Vas-y, ça je peux le mettre, mais Maggie, c'est quoi Maggie? Ah, alors. Ouais, ça c'est MacGyver, ok. C'est MacGyver, oui. Alors, on reviendra sur Maggie après. MacGyver, donc fin des années 80, début des années 90, jusqu'en 92, 93, hein, quelque chose comme ça. Et c'était les aventures, pour ceux qui ne connaissent pas, d'un homme. Enfin, remarque, il y a eu le remake, hein, il n'y a pas longtemps, qui était dégueulasse. Mais l'original était trop bien. Un mec qui se démerdait avec un bout de ficelle pour construire une montgolfière ou une bombe. Et c'était absolument génial, j'adorais. Ouais, il fallait peut-être un peu plus qu'une ficelle quand même. Là-dessus. De quoi ? Il fallait peut-être un peu plus qu'une ficelle pour faire une montgolfière. Hein. Ah non, MacGyver, il savait de faire rien. Il partait d'un trombone et d'un caillou trouvé. Faut de la matière quand même. Plutôt dans l'épisode. et il trouvait, il arrivait à te faire un truc incroyable. Ouais, je connais le principe, mais quand même, un bout de ficelle, tu fais, il faut un peu plus qu'un non, bout de ficelle. Non, mais après, c'est la magie de MacGyver aussi. C'est qu'il est beaucoup trop, pragmatique ce soir, Teddy. Ouais, c'est ça. Donc oui, pour en revenir sur Maggie, Teddy, c'était les aventures d'une femme. D'une cinquantaine d'années qui était une femme à la maison quoi en vrai, mais elle était drôle et un peu Maïté, tu vois, Maïté dans une maison, et c'était tiré d'une série américaine et qui était francisée. Voilà, et j'ai des bons souvenirs de Maggie, je me rappelle plus exactement, faudrait que je regarde un épisode. Il y avait ça, Théo, mais il y avait aussi Marc et Sophie, d'ailleurs je me souviens encore du générique. Il y avait Marc et Sophie qui passaient aussi avec Maggie, et ça passait sur la 2, ça. Ah ouais, d'accord, bah j'ai pas suivi. Donc c'était la même Maggie qui jouait dans une autre série. Non, il y avait non, c'était les mêmes. C'était Marc et Sophie, mais en fait c'était vraiment les sitcoms francisés. Ouais. Enfin voilà, c'était copié sur les Américains et ils avaient francisé ça. Et Marc et Sophie, c'était le petit sitcom français que tout le monde ne loupait pas. Comme il y avait le comment il s'appelait, Stéphane Collaro, qui présentait le Collaro Show avec les pin-up. Il y avait je l'ai découvert, c'est absolument horrible. Genre ça n'avait aucun sens. Et de toute manière, il y a une meuf qui se retrouvait à poil. Ah oui, mais ça fait partie de la magie. Mais ça n'avait aucun sens. Mais pas poil, c'était pas. Bah oui, mais ça vendait pas en fait. C'était la télé française des années 80-90. Donc ils mettaient des meufs à poil juste pour pouvoir vendre. Ah, sans mais déconner. Non, mais il y avait une forme de scénario. En fait, c'était pire que ça. C'était avant le journal. Et il y avait une forme de scénario avec d'énormes guillemets où ça n'avait pas de sens. Genre, j'en ai vu un épisode où. Il y a un avion qui est cassé, les gens essayent de réparer l'avion. Et là, il y a une meuf qui sort de nulle part, qui se met à poil, qui fait un tour sur elle-même et qui ressort. Et voilà, fin de l'histoire. Mais alors, dans les années 90, beaucoup moins, mais dans les années 80, clairement, à la télé et à heure de grande audience, hein, d'Audimat, il y avait des meufs à poil qui se baladaient sur les plateaux télé parce que c'était l'époque, quoi. Oh, voilà. Ça s'est arrêté après dans les années 90 et puis dans les années 2000 ça n'existait plus, hein, mais oui, il y a eu une époque comme ça. Parmi les séries aussi que je regardais, il y avait K2000, générique, t'as dit. Générique, oui, générique, attention, on fait péter. Un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. Michael Knight roule vers de nouvelles aventures. Oui, alors l'idée de K2000, qui est très années 80. Alors je dis des années 90 parce que oui, ça passait à la télé dans les années 90 et c'est comme ça que je l'ai découvert. C'est une série qui date du milieu des années 80 et c'était vraiment l'époque où l'électronique était l'avenir et l'électronique était on le mettait un petit peu partout dans les premières consoles vidéo, dans les voitures, etc. Et K2000 en est vraiment la représentation des séries, dans les séries, Kit, qui est la voiture, qui est un programme informatique, en fait, qui est l'équivalent de ce que seront nos voitures autonomes dans pas très longtemps, et Michael Knight, qui était un peu le super-héros, beau gosse, un peu de bad boys, qui faisait des missions avec la collaboration de Kit, la voiture qui parlait, et ensemble ils sauvaient l'Amérique, quoi, hein, tout simplement. Et le monde entier. Et d'ailleurs, David Hasselhoff, donc c'est sa première série, hein, K2000, après il a enchaîné avec Alert à Malibu. Il fait que ça de sauver des gens, en fait. Il a fait que ça, ouais. Bon, après, il était en costume rouge avec son petit, son petit truc de sauveteur, là. Ouais. Mais quand même, il fait que ça de sauver des gens, mais il a pas sauvé le domaine de la musique, hein, parce que quand il a fait une musique avec son super clip, c'était franchement dégueulasse et ça faisait. Bah, ça rendait aveugle des gens, quoi. Il s'est pas sauvé lui-même, d'ailleurs. Non. Il a mal fini. Oui, David Hasselhoff, c'est dommage, hein, parce qu'il avait tous les attributs pour réussir, ce mec-là. Et bon, il a fait les deux séries qui ont hyper bien marché. Mais c'est vrai qu'après, il a pas eu de pas et ça lui a pas trop convenu. Comme d'ailleurs. Ça fait très BoJack Horseman, si vous avez vu sur Netflix. Lui est arrivé quoi, David Hasselhoff, du coup il a mal vieilli. Hein, il est tombé dans la drogue, l'alcool et. Ouais. Et c'est la décadence sévère. Hein. Il y a des vidéos qu'on tournait de lui en train d'être une serpillière humaine. Hein. Ah mince. Ouais. Oui. Là, comme le mec de j'ai plus son nom en tête, Richard Anderson là de MacGyver. Alors je sais pas si c'est la déchéance complète, mais c'est vrai qu'il a fait MacGyver. Il a enchaîné avec Stargate SG-1. Ouais. Ça j'ai adoré. Ouais. Je kiffe ouais, Toy Story. Et bah moi c'était pas mon univers hein, mais bon c'était pas mal. Et après voilà, c'est vrai que quand on le voit aujourd'hui, on se dit waouh, c'est plus MacGyver quoi. C'est-à-dire que là pour ce moment, il a pris un petit coup MacGyver. Hein. Il a pris trop de McDo, je crois, hein, parce que plus que du McDo. Trop d'alcool, trop de tout. Trop d'alcool, trop de McDo, MacGyver. Ouais, c'est dommage. Alors c'est un petit peu. Alors évidemment, ça a vieilli, hein, tout ça. On parle de ça, ça a 20, 30 ans, donc forcément les gens vieillissent aussi. Mais de voir les gens comme ça, quand tu les compares, tu ah, il est où MacGyver? Ton idole pareil, de toujours. C'est un beau boss MacGyver quoi. Donc le voir comme ça aujourd'hui, ça c'est la tristesse. Ouais, ouais. Dans les années 90, il y a une série qui m'avait marqué aussi, qui est pas hyper connue, mais j'avais bien aimé le principe. C'était Demain à la Une. Je sais pas si vous vous rappelez de cette série. C'était un mec lambda. Alors c'était dans la ville de Chicago et il y avait un chat qui lui a amené le journal du lendemain. Donc tous les jours, en fait, il ouvrait la porte, il entendait le chat qui miaule, il ouvrait la porte, il avait le journal du lendemain qui était au pied de sa porte. Et en fait, c'était malgré lui, il jouait le héros parce qu'en fait, qui dit journal du lendemain dit événements qui vont se produire. Il savait prédire les événements. Donc il se rendait, c'était un peu le bon samaritain, donc il se rendait sur tous les lieux pour essayer d'empêcher les catastrophes d'arriver. Donc voilà, c'était sa vie. On était blindés de bonnes séries quand même, parce qu'il y avait ça, Demain à la Une, il y avait Code Quantum aussi qui était. Oui. Ah oui. C'était avant, je crois, il y avait Code Quantum et après Demain à la Une. Il y en avait plein, il y avait Flash qui passait, il y avait les X-Files. Mais en fait, c'était. On était limité aussi. On avait quoi? On avait 6 chaînes, non? On avait 6 chaînes, 5 chaînes même, parce que Canal Plus, on avait que le. Ça marchait pas. Les moments décryptés. Les heures décryptées, ouais. Mais c'était vraiment que 5. TF1, France 2 ou Antenne 2 à l'époque, France 3. Et puis après, la 5 et puis M6. Quoi. Et c'est là que tu te rends compte qu'on était quand même plus le nez devant la télé ou à écouter de la musique ou à être dehors parce que forcément, on n'avait pas Internet. On n'était pas sur les réseaux sociaux. On était plus occupés. On s'occupait différemment. Ah, puis moi, je te dis, j'étais limité en termes de télévision, en termes d'horaire de télé. J'avais le droit de regarder le Hit Machine en revenant de l'école. Ah ouais? J'avais le droit le dimanche soir de regarder Maggie ou les dessins animés. Par exemple, le matin, j'ai jamais regardé la télé le matin parce que, en plus, ma mère regardait, c'était quoi? C'était Direct Matin ou un truc du genre, là, le truc avec, où t'as la petite pendule, là, tu sais, sur avec le côté. William Lémergie. Ah oui, avec, ouais. Télématin avec William Lémergie. Télématin, voilà, Télématin. Je sais pas si vous faites encore ça, mais. Aussi. Je connais pas. Ça me donnait pas envie de regarder en vrai. Voilà. Tu m'étonnes. Et moi, je me rappelle de ma nourrice petite qui ne ratait pas un seul épisode des Feux de l'amour. Ah, évidemment, les Feux de l'amour. Ah, bon, ça réveille des traumatismes. Mais oui. C'était emblématique de son époque aussi. Ça existe toujours, les Feux de l'amour. Mais oui, mais c'est pas fini. C'est un traumatisme. C'est la 14 000e saison. C'est ça. Brandon est mort 40 fois, il a ressuscité, il s'est marié avec Brenda. Mais non, c'est son fils maintenant, son petit-fils même, va savoir. Oui, tu m'étonnes, les générations ont décidé. Mais c'est comme, on parlait d'Hélène et les garçons tout à l'heure, il y a eu les mystères de l'amour après, et aujourd'hui, il y a encore des séries avec Hélène. Il joue toujours aussi mal, hein, d'ailleurs. Ah, mais ouais, mais tellement. Mais c'est horrible. Ça pique les yeux quand je vois ça. Mais c'est les soap opéra, ça me rappelle l'émission J'ai vu de la lumière l'année dernière. Mais attends, le pire, mais c'est vraiment ça en fait. C'est les périodes de Noël, on est d'accord. Donc c'est le moment de faire des cadeaux. Ma mère, elle est fan des mystères de l'amour. Ma sœur, elle le sait. Et dans les mystères de l'amour, il y a une fille qui chante là, qui s'appelle Elsa Arnoux. Je sais plus comment elle s'appelle. Une jeune, donc du coup, qui était pas là à l'époque de. Comment ça s'appelait avant? Hélène et les garçons. On avait la chanteuse Elsa, mais. Ah, elle est dégueulasse. Enfin, peu importe. Du coup, il y a eu beaucoup de musique dans les mystères de l'amour faite par cette fameuse Elsa, je crois. Et elle a sorti même un CD. Et ma sœur lui achète le CD pour y offrir. Mais quelle salope! Bah, c'est une très bonne idée. Non. Bah, c'est une idée. Un cadeau, c'est censé faire plaisir, t'es dit. Hein. Oui, mais non. Non. Et puis et cette idée, tu vois, et là aussi ils sont restés dans les années 90, mais tant mieux, ça marche. C'est que ça, c'était quand on reprend le Club Dorothée, il y avait pas que l'émission Club Dorothée, il y avait tout l'univers Club Dorothée avec le magazine, les CD, etc. Il y avait Hélène qui sortait des CD, Dorothée bien sûr parce que elle est aussi chanteuse, mais il y en avait plein qui sortaient, les musclés ont sorti des trucs, enfin voilà. Amoureuse. Bien sûr. Et puis il y a un truc que toi tu lisais pas mais qui on avait des rendez-vous presse aussi, on achetait beaucoup la presse. Oui, beaucoup de magazines ados voilà, et okay tout. Podium, Star Club. Ah ouais, les magazines qui étaient de toutes les couleurs, les bleus, ronds, jaunes, et tout ça sur la même page. T'avais les posters, t'avais les fiches chansons. Oui, des iguanes. Ouais, les paroles des chansons, les interviews de tes stars. Bah, c'est vrai. Ouais. Et ça, c'était, il y avait Dorothée Magazine, par exemple. De telle star, enfin, ouais, c'était ouais voilà, c'est de la propagande. Martin, on l'a compris, on l'a perdu. Ah, Martin, non, il est en train de se dire mon Dieu, c'est horrible. Et parmi il se replonge dans ses souvenirs de Noël pour oublier ce qu'on est en train de parler. parmi les films, Virginie, donc t'as parlé des inconnus et des nuls qui ont sorti chacun un film. Est-ce qu'il y a un autre film par exemple qui t'a marqué dans les années 90? De quoi? Les Visiteurs. Les Visiteurs, ouais, Les Visiteurs. C'est ok. Juste, avec la couille, avec non, c'était juste fabuleux. Et Jean Reno qui était à sa gloire dans les années 80. Oh mais Jean Reno après Léon. Léon. Après, oh là là, Léon, comment j'ai pleuré, mais pleuré. Oh, ouais. C'est un film qui est vraiment trop bien. À chaque fois, ça me touche aussi quand je le vois, ce film. Ouais, mais il est top, Les Visiteurs. Et puis bon, j'ai plus le nom des acteurs parce que je suis très mauvais là-dedans. Mais alors, il y a Clavier et Renaud. Jean Reno. Ouais, et les autres, qui joue la fille, là. Ah, merde, la brune. Qui joue la bourgeoise. Mais oui. Valérie Lemercier. Voilà, Valérie Lemercier, ouais. Elle est excellente dans ce rôle. Elle joue fabuleusement bien. Et il y a aussi notre Zézette nationale. Marianne Chazelle. Ah, oui, c'est ça. Ouais. Soit. Donc, ouais, Les Visiteurs. Non, mais je suis d'accord avec toi. Les années 90, bon, il y a eu plein de bons films, évidemment. Plein de mauvais. Hein, Oui, mais comme toutes les années. Voilà, comme toutes les décennies, il y a des très bonnes choses et des très mauvaises. Mais en tout cas, la télé, c'est un mix de tout ça. Et comme tu disais, Virginie, on n'avait que quelques chaînes. Donc, forcément, on avait un peu les mêmes rêves parce que il n'y avait pas 36 000 programmes non plus. Voilà. Ouais, mais il y avait des vidéoclubs. Je me rappelle aller au vidéoclub avec ma mère. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais oui, en termes de visionnage, donc t'avais soit la télé, mais on avait les magnétoscopes, on en parle en antenne, les fameux magnétoscopes avec les cassettes VHS. Et pour avoir des cassettes, bah, c'est soit tu les empruntais aux copains, soit tu les achetais, soit tu allais au vidéoclub pour aller les emprunter. Donc t'avais une location de cassettes hein, la semaine, et puis tu te regardais ta petite cassette. Et puis t'en profiter pour avoir comme mes grands-parents un deuxième magnétoscope, ce qui te permettait de copier la cassette illégalement. Oh les rebelles. Les pirates de l'espace, quoi. Mais c'est ça. Bah oui. Et on faisait ça avec les films qui passent à la télé, évidemment, aussi. Hein. Voilà, quand ça passe à la télé, on mettait l'enregistrement et on enregistrait le film. C'est ça. Moi aussi, je faisais ça, hein, même si je suis plus jeune. Bah ouais, j'enregistrais mes épisodes de Pokémon le matin sur mes VHS. Moi, j'ai été obligé de me taper 2 ans des Feux de l'amour à enregistrer. Pendant 2 ans, les Feux de l'amour, tous les épisodes. Ouais, parce mais t'avais que... pas à le regarder. Oh, mais attends, encore heureux. Encore heureux. Un enregistreur automatique et après, tu pouvais programmer ton enregistrement sur les dernières VHS. Ouais, mais non, fallait que je le programme. Moi, et c'était pas les dernières, du coup. Et c'était pour ma mère, c'était pas pour moi. Tu lances en direct. Toi. C'était une corvée, cette machine. Enfin, cette saloperie. Bon, on a parlé de la télé, ce que je vous propose c'est de parler de la radio dans un instant parce que ça nous intéresse aussi forcément et puis on est en plein dedans avec les émissions qui ont marqué les années 90 en termes de radio libre. Morning Live juste... Alors ça c'était la télé ça, le Morning Live, début des années 2000. Non mais c'est vrai que c'est intéressant le Morning Live parce que c'était une émission télé mais qui était construite comme une émission radio. Ça aurait pu être une émission radio le Morning Live. Déjà parce que alors d'une avec parce que ses défis à la noix là et tout oh là et là, c'est ça. Alors Michael Young avait fait une école de radio donc déjà avait une formation radio plus que télé et en plus c'est surtout que c'est très rare à la télé, c'était du direct, et c'était du direct avec une bande de jeunes en direct à la télé. Vous mettez ça sur M6 et vous avez une émission déjantée avec le personnage que vous connaissez certainement, qui est Michael Young et qui était Young. C'est pas à Young, l'époque, c'est Young. Donc... Youn, oui, c'est pour ça. Mais qui était Young à l'époque et qui gueulait avec son mégaphone là dans les rues. Il a même failli mourir plusieurs fois, mais c'était un truc de ouf. Ouais. Il hurlait en live sur sa copine et tout, c'était n'importe quoi. C'est ça. Il se mettait dans la rue. Bah C'est vrai que quand il était dans la rue, il gueulait dans son mégaphone. Morning Live, l'émission qui réveille tes voisins. Le matin. C'est ça. Et c'est vrai que ça a marqué. Alors ça a eu lieu, je sais pas, c'était 3 ans Morning Live, peut-être pas plus, hein, 3-4 ans. Ah ouais. Ouais, facile. Ouais, ça a bien marqué. Ouais. Ça a marqué les esprits, ouais. Ouais. Et ça, c'était dans le début des années 2000, et c'était quand même vachement plus fun que Télématin pour le coup. c'était l'apogée de Michael Young et puis de Corey. Magloire aussi, il y avait. Oui, bien sûr. Oui. Oh, puis après, il y a eu tous ces clips avec son personnage Fatal Bazooka et tout. Oui, bah, il y a eu les Bratislava Boys avant. Un film que je recommande à voir si vous voulez vous Fatal. Vous La Beuse. Les 12 commandements, bien sûr. Ah oui. Tous ces films sont bons à voir, en vrai. La Beuse, Fatal, tout ça, ouais. Ils sont fun, ces films. Fatal, c'est trop bien. Qui est sorti. Moi, j'adore quand ils font une piscine dans l'appartement. Oui. Allez, ne faites pas ça à la maison, par contre. Non, ne reproduisez rien de ce qui s'est passé dans le Morning Live chez vous, hein, clairement. Non, clairement. Mais si, vous pouvez. Non. Bon. Petit focus radio donc dans un instant hein, sur Indestar dans cette émission à la maison, et puis on écoute Nola avant qu'il reprend Big Flo et Oli. Voici Alors sur Indestar. Dès 21h, c'est l'émission à la maison sur Indestar. Un éléphant qui se balançait. Pourquoi? Bah je sais pas. Bah l'enfance. Bah parce l'enfance. Que c'est l'enfance. Non, je sais pas pourquoi il était là. Non, c'est un piège. D'accord, en fait dans le conduit en fait. Il était là, je sais pas pourquoi, je l'ai passé. Ah d'accord, non mais effectivement ça fait référence à l'enfance, puisque c'est le cas et c'est le sujet de l'émission de ce soir, de remonter quelques années en arrière dans notre enfance. Alors enfance qu'on a vécu dans les années 50 pour Daniel, 80 pour Théo, 50 pour Théo, 60 pour Daniel. Ouais, Théo apprécie beaucoup quand je suis là parce qu'on peut plus le traiter de vieux. Exactement, comme ça. Mais merci Daniel de nous avoir rejoint ce soir. Tout à l'heure, tu auras à toi un petit comparatif entre les séries. Alors, on en a pas mal parlé, mais des séries anciennes comparées aux séries modernes. On fera un petit versus tout à l'heure. Mais voilà, oui, si on a le temps, on fera un petit aussi, essayer de faire une petite projection vers le futur aussi. D'accord, carrément. On va le futur également. Et puis moi, j'aimerais revenir sur le sujet radio, parce que nous, on fait de la radio. Mais quelles étaient les émissions radio qui ont marqué, je vais dire, les années 90 plutôt, qui a commencé dans les années 80, parce qu'on en avait parlé dans une précédente émission, mais c'est au début des années 80 que les radios privées et associatives ont pu émettre, ont pu voir le jour. Donc, à la suite de ça, en fait, il y a eu plein de choses qui se sont créées, qui n'avaient jamais été faites en radio avant. Et notamment le principe des radios libres, le concept d'émission de libre antenne radio libre, le principe en fait était très simple, hein. Il est toujours, même si aujourd'hui ça n'existe plus trop, il y avait des auditeurs qui appelaient, donc avant il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas tout ça, donc en fait les gens et les jeunes plus particulièrement, pendant que les parents regardaient la télé le soir, les ados et les jeunes adultes écoutaient la radio. C'était leur moment de liberté d'écouter ces libres antennes, donc ils avaient la possibilité d'appeler, donc il y avait un standard de 18 lignes, et les 18 lignes étaient en principe saturées tellement il y avait d'appels pour parler de sujets qui les intéressaient, et notamment des sujets, je pense notamment la sexualité, parce que à part les livres que tu avais au collège et puis des cours de SVT, il n'y avait rien d'autre en fait comme info par rapport à ça. Et dans les années 90, c'est vraiment là où on a eu l'explosion des libres antennes et des émissions où on pouvait traiter tous les sujets de jeunes et en parler librement avec les animateurs. Donc moi, si je fais un top des animateurs qui, moi, m'ont marqué, évidemment, en numéro 1 sur la première marche du podium et tout en haut, parce que c'est vraiment l'animateur qui m'a donné envie de faire de la radio, c'était Max que j'ai écouté, Max, qui est arrivé au début, enfin, ouais, au début des années 90, mais qui a vraiment pris une place d'animateur du soir à partir de la milieu de, du milieu des années 90 sur Fun Radio. Et Max et sa libre antenne, c'était une émission où tu pouvais appeler soit pour un sujet sérieux, mais surtout pour du sujet de déconne. Et la chose assez marquante chez Max, c'est que alors aujourd'hui ça pourrait paraître un petit peu bizarre, mais on se foutait gentiment des gens qui étaient à l'antenne, des auditeurs qui étaient à l'antenne. C'est-à-dire que en fait Max, il avait des personnes qui appelaient et qui avaient on parlait des feux de l'amour par exemple tout à l'heure, il y avait une dame qui tous les jours regardait les feux de l'amour et ne loupait pour rien au monde ces séries-là. Plutôt que de qu'elle soit arrêtée au standard en disant ouais bon enfin tu vas parler de quoi, tu vas parler des feux de l'amour, on s'en fout un peu, justement c'était le genre de personnage qui adorait Max. Et il lui demandait de faire un petit récapitulatif de l'épisode du jour ou d'appeler TF1 pour râler parce que les feux de l'amour avaient été décalés, etc. Donc ça donnait lieu en fait à des personnages dans cette radio-là, le fan de Michael Jackson qui savait pas chanter mais qui s'entraînait 8 heures par jour et qui lui a permis de faire un live en direct à l'antenne. Enfin, ça faisait marrer tout le monde et c'était du foutage de gueule, mais c'était du foutage de gueule gentil. D'accord. Non, mais ça peut paraître bizarre comme ça, mais c'était bon esprit parce qu'en fait la personne qui était auditeur, ça l'a valorisé et nous on était tout le temps dans le second degré, tu vois, en tant qu'auditeur ou Max en tant qu'animateur. Et ça nous faisait marrer. On était sous la couette avec l'écouteur dans un coin de l'oreille. Alors on devait dormir. Mais est-ce qu'on aurait un extrait? Bah, on a un extrait. Alors j'ai un extrait du jeu qui s'appelle le Kiki Donc et qui est un des jeux phares de Max. Et le principe de cette émission, c'était un auditeur qui appelait pour qu'on appelle sa grand-mère en principe, donc grand-mère qui avait dans les 60, 70, 80 ans, pour la faire jouer à un jeu radio comme si c'était une radio locale. Et ça tournait autour de questions qui n'avaient aucun sens. Du genre oui, vous écoutez cet extrait, vous devez reconnaître, et puis là il mettait un blanc, ou alors histoire ou géographie, et puis poser une question qui était sur les couleurs. Enfin, l'idée c'était de promettre des monts et merveilles à la personne et puis qu'elle reparte sans rien gagner, quoi. C'est salaud. Exprimer comme ça n'a aucun sens. Bah. Mais je vous laisse écouter, vous allez voir la voix que Max prend et vous allez comprendre ce second degré, quoi. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Et vous allez bien? Oui. Est-ce que c'est possible de parler à Lucienne? Tais-toi, je sais pas. Allô? Oui. Vous êtes en direct à la radio, vous êtes sur Cassolette FM, la nouvelle station locale. Mais non, je sais pas. Pardon? Je sais pas. Pense. Aïe. Vous êtes en direct sur la radio, c'est Lucienne. Vous avez été sélectionné par votre petit-fils Clément. Vous êtes au courant? Aïe. Aïe. Allô? Oui, allô. Allô? Mais ouais. Allô, Lucienne. Elle percute, bien entendu. Ça va bien? Voilà. Ah ben ça va être une partie de plaisir. Voilà, bon, comment ça a commencé et après ça pouvait s'enchaîner durant 10-15 minutes avec des questions comme ça jusqu'au moment où bah, vous avez perdu le magnifique voyage, le simple aller-retour en car, bus, transport scolaire. Voilà, c'était Max et le Star System. Y a des gens qui connaissaient ou pas? Non, mais enfin, alors si, en fait, je connais parce que tu en as tellement parlé que forcément, ouais, au bout d'un moment. Et j'ai eu la chance et le privilège, Max, de l'avoir comme prof, en fait, quelques années après, quand j'étais en études de radio. Et bah ouais, forcément, enfin, c'était mon idole, donc le coup de flip, tu vois, au départ, mais mec très gentil et avec un personnage autant à l'antenne, c'était Max le Star System, donc c'était vraiment vu comme ça. Et. En fait, dans la vie, il est totalement haute. C'est quelqu'un de très discret et voilà. Et c'est très à l'opposé de son personnage radio, quoi. Et donc ça, c'était dans les années 90. Pardon, Martin. Bah, c'est super cool de pouvoir rencontrer et travailler avec son idole. Ah, c'est super cool. C'est super flippant au départ, mais après, ouais, quand on te dit en fait, Max va t'écouter maintenant. D'accord. Tu dis d'accord, ok. J'ai pas digéré cette information encore, mais ça va le faire. Donc Max en fait a pris la relève à partir du milieu des années 90 jusque dans le milieu des années 2000 de l'animateur des animateurs qui faisaient la libre antenne sur Fun Radio à l'époque et où ça a été un véritable phénomène de société avec justement le fait de pouvoir appeler la radio pour parler de problèmes notamment sexuels et compagnie. C'est l'émission qui s'appelait Love in Fun sur Fun Radio qui d'ailleurs existe toujours hein, avec Doc Fun, avec Doc et D-Fool, voilà. Donc le duo de choc qui a commencé au début des années 90 dans une période où Fun Radio était une radio, la radio des jeunes, hein, très clairement. C'était la radio qui passait du Nirvana, du Rage Against the Machine, enfin des trucs qui tapaient ou de la techno à l'ancienne. Tu avais Love in Fun le soir, donc avec D-Fool qui est toujours sur Skyrock, hein, qui a pas bougé, enfin qui a bougé de station, mais pas de rôle. Et tu avais le Doc qui était là pour fournir des conseils à tous ces jeunes. Et ça a vraiment été un passage marquant pour les jeunes des années 90 qui avaient un lieu comme ça pour parler. Et forcément, ça fait des émules, notamment sur Skyrock à l'époque, parce que D-Fool était sur Fun Radio, où ils avaient essayé de reproduire un petit peu le même schéma en embauchant, alors ça n'a pas marché du tout, hein, je vous spoil, une ancienne actrice porno qui s'appelait Tabata Cash. du coup, il y avait l'émission de Tabata Cash sur Skyrock et au même moment que Love in Fun sur Fun Radio. Et en plus, ils se tiraient un petit peu dans les pattes. C'était à l'époque où tu pouvais appeler la radio concurrente sans aucun problème et parler avec elle. Et j'ai un petit extrait justement où je sais plus si c'est Love in Fun qui appelle Tabata Cash. Je crois que c'est dans ce sens-là. Vous allez écouter. Vous avez les deux bandes qui sont au téléphone ensemble. Comment tu t'appelles, toi ? Moi, Frédérico. Ah, tu es l'ingénieur ? Oui, c'est moi. Ah ! Bonjour, bonjour ingénieur, je te présente le doc. Salut, monsieur le doc. Salut. Alors ? Ah, je te reconnais. Et moi, je vous présente une jeune fille qui est très mignonne et qui vous aime beaucoup, elle s'appelle Tabata Cash. Ah, très bien. Alors, on vous écoute. Il me semblait bien que c'était de l'amour. Ce qui paraît que vous avez lancé un appel, vous n'arriviez pas à nous joindre. Bah oui, on n'arrive pas. Eh ben, ça y est maintenant. Bon, bah super. Tabata, tiens, je te présente Doc D-Fool. Ouais. C'est des amis dont tu parlais tout à l'heure. Oui. Et alors, ils appellent pourquoi ? Tabata Cash, réfléchis avec ton cerveau. J'ai pas entendu. Alors là, c'est une grosse vanne parce qu'ils disent que c'est complètement bête. Non, c'est pas du tout. Je lui demande de réfléchir avec son cerveau, ingénieur. Tu réfléchis avec ton cul, toi ? Eh ben, dis donc. Oui. Wow. Ah, ça a envoyé, hein. T'avais le droit de faire ça. Et nous, on a le droit de faire ça. Non, je crois pas, non. T'avais Skyrock et Fun Radio comme ça, voilà, qui étaient vraiment en concurrence. À l'époque, Fun Radio était devant. Mais bon, ils ont pris leur revanche après parce que D-Fool a quitté la maison de Fun Radio en 96 et est arrivé sur Skyrock à l'antenne un an plus tard, quoi. Donc voilà. Il y a eu la radio libre de D-Fool qui s'est trouvée en concurrence avec la radio libre de Max. La vraie question, c'est est-ce que il l'a pas un peu mal ? Parce que bon, quand on écoute ça, on comprend qu'il y a quand même une petite animosité entre eux, il y a quand même une certaine rivalité. Et là, bizarrement, il va dans le camp de l'autre, tu vois. Ah, il s'est. Je sais pas. Il n'y a pas de fierté là, tu vois. T'as perdu en fait. Tu veux dire que D-Fool est arrivé sur Skyrock après ? Bah ouais, c'est chelou quand même. Alors oui, mais en fait, c'est si tu veux, toute l'équipe de Tabata Cash et tous ceux qui faisaient le Skyrock à l'époque sont partis parce que c'est l'époque en fait où Skyrock est passé d'une radio un peu comme Fun Radio, hein, c'est tout type de musique et notamment tout ce qui était grunge, rock et compagnie à programmation rap. Ouais. D'accord. À partir de 96-97, c'est vrai, Skyrock est devenu une radio rap. Et avec l'équipe de D-Fool qui est arrivée, et donc en fait, ouais, toute l'équipe était nouvelle et la programmation aussi. Donc c'est comme si c'était une nouvelle radio finalement qui se créait. Okay. Donc il n'y a pas eu. De Skyrock, ils ont gardé que le nom. L'antenne Skyrock, il n'y avait pas de concurrence à ce moment-là, quoi. D'accord, voilà. Je vois. Et puis, dans les années 90, alors forcément, on n'est pas passé à côté non plus d'Arthur. Arthur qui avait commencé dans les années 80 et qui a vraiment pris de l'ampleur dans les années 90, qui s'était autoproclamé l'animateur le plus con de la bande FM et puis le roi de la radio. Donc il a fait Sky en 89, il a fait Fun Radio en 91 et avec son au début technicien standardiste stagiaire qui est Manu Lévy qu'on retrouve sur Energy aujourd'hui. Ah la vache. Ouais, bah ouais, ouais. Et Manu, pendant très longtemps, a été le sniper de l'émission d'Arthur jusqu'en 2005, hein, en fait. Là, j'ai un petit extrait de la matinale de Fun Radio en 91. Vous allez voir, pour vous réveiller le matin, un super jeu qui mettait en concurrence deux candidates. On écoute. J'ai peur de savoir. Carole a 30 ans, elle habite Châtelineau. Bonjour Carole. Bonjour Arthur. Marié ? Oui. Avec qui ? Avec Alain. Il est beau ? Oh, merveilleux. Il est riche ? Bon, ça. Bah, alors quitte-le, ça sert à rien. La dernière fois que vous avez fait l'amour ensemble, c'était quand ? Hier soir. Très bien, face à toi en toilette. Oh, toilette, toilette. Bonjour, 31 ans, secrétaire à Torini. Bonjour Antoinette. Oui. J'aime tes seins. C'est vrai ? Ah oui. On peut pas dire qu'il soit gros, hein, mais bon, c'est bien, Gilbert va pouvoir apprendre le braille. Antoinette mariée ? Ah oui. Oh, t'as à peu près le même âge que Carole à un an près. Ah ouais, bah. 31 ans, des enfants ? Oui. Vous faites l'amour souvent ? Deux fois par jour. Deux fois par jour ? Et la dernière fois, c'était donc ? C'était hier. Ça y va, la foufoune, hein, à la maison, entre Antoinette et Carole, on perd pas de temps. Ah ouais. Laquelle des deux va pouvoir tenter la finale face à Yolande demain ? Eh bien, c'est la question que je pose à Maître Lévy qui va régler le jouimètre. Le jouimètre est prêt. Le sexotron est bien réglé ce matin ? Aussi. Carole ? Oui ? C'est à toi. Vous avez compris le principe de la boucle-son, hein. Celle qui bouffait le plus fort avait gagné et repartait avec un cadeau, du genre chaîne IFI ou compagnie. Voilà, donc Fun Radio. C'était nul à chier! Avec un gros ampli pour qu'on l'entende plus. Et puis évidemment, il n'y avait que des nanas qui jouaient à ce jeu de merde. Évidemment, évidemment. Oh là là, mais c'est d'un gênant! Mais jamais ça passera! Il est où le. La limite de la beauf attitude est atteinte depuis X temps! Alors, il n'y avait pas de limite, c'est très interdit ces conneries. C'est très représentatif de l'AFM des années 90. C'est que, en fait, plus c'est beau, mieux ça marche. Il y avait besoin de nos limites. Et les directeurs d'antenne poussaient les animateurs à aller au-delà des limites jusqu'au moment où il y a eu des problèmes avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Oh, bah, quelle surprise, dis donc. Trop loin. Voilà, on se souvient. Alors il y en a eu plusieurs, hein, mais il y a eu Koé qui était très présent aussi dans les années 90, qui a fait Fun Radio, Skyrock, Énergie, Ré Chanson, Europe 2. Enfin voilà, il a un peu tout fait. Donc Koé a été sanctionné par le CSA parce que il a fait une très mauvaise blague sur les camps de concentration qu'il a comparé à des camps de vacances. Enfin voilà. C'était très très gênant, mais en même temps, c'est vrai que d'un sens, on avait les directeurs d'antenne qui poussaient au no-limit. Oui, enfin, t'as quand même une personnalité propre. Enfin, à un moment, tu peux mettre tes propres limites. Non, mais bien sûr. Faut arrêter de dire gna gna gna les directeurs. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, les animateurs ont été poussés dans ce sens-là. Et quand il y a eu ces débordements-là, en fait, ils ont été totalement lâchés par leur directeur d'antenne qui a fait oh non, mais on comprend pas ce qui s'est passé, machin. Voilà. Alors qu'ils avaient leur part de responsabilité aussi, quoi. Il y a eu JC aussi sur Skyrock. Donc, sur Skyrock, c'est l'extrait suivant, c'est Les Monstres. Alors c'est une matinale où c'était en 94-95, ça n'a pas duré longtemps, et surtout la période Manu Lévy, donc Manu et JC, c'est vraiment septembre-décembre 94, donc c'est vraiment un temps très court, mais c'est une émission qui a marqué les esprits, où c'était, vous voyez, deux jeunes, hein, ils avaient 20-25 ans les deux, à la matinale de Skyrock, donc on pourrait plus retrouver aujourd'hui, hein, imaginez deux jeunes comme ça qui sont lâchés dans la nature avec peu d'expérience radio et qui font une matinale. L'émission s'appelait Les Monstres, c'était pareil, c'était la trash radio et ça allait très loin, mais c'était très drôle en vrai, hein, c'était voilà, bon, là c'est pareil, à un moment donné j'ai dans peur un de voir le résultat. Ouais, bah JC est allé trop loin dans le sens où il y avait un policier qui avait été décédé lors d'une manifestation, et il a fait un truc du genre oui bon bah c'est ça, en fait au moins un de moins, c'est une bonne nouvelle, ou un truc du genre. Donc forcément c'est très mal parti, et le CSA est intervenu à ce moment-là, ils ont coupé l'antenne de Skyrock pendant une semaine, ça fait grand bruit. Mais en tout cas, dans le flash info, il y avait une mimique, c'est-à-dire que à tous les flash info, avec présenté par Annie Kremer, qui était la journaliste de l'époque, et normalement un journaliste, maintenant quand on écoute un flash info, le journaliste fait son flash, l'animateur remercie et on passe à la suite. C'est un peu sauf ça. Qu'à l'époque, Non, en fait, c'est-à-dire que au milieu du journal, les animateurs pouvaient intervenir n'importe quand avec des faux auditeurs, des faux sketchs, etc., qui te pourrissaient ton journal qui durait au final 15 minutes. Et il y avait une mimique lors de la météo qui était « Est-ce qu'il va y avoir de la boue demain ?» On écoute. On écoute. Bah on écoute quand ça marchera. Ah oui, là ça marche mieux. Pour tout le monde aujourd'hui, mais il y aura tout de même des éclaircies en fin d'après-midi. Annie, la question que everybody se pose aujourd'hui, y aura-t-il de la boue? Non, mais je rêve. Allô? Oui, bonjour à tous. Bonjour aussi les monstres et bonjour aussi à vous, Annie Kramer. Écoutez, ici j'ai Alain Guinemont von Boll et Tauben Glaufen qui est avec moi. Alors monsieur, quel est votre problème? Bah ça va pas, hein. Ça va pas. Pouvez-vous nous expliquer plus précisément là? Bah il m'arrive que des problèmes, quoi. Ma femme m'a quitté, mon patron m'a viré, et je suis alcoolique et il n'y a plus une goutte à boire chez moi, quoi. Je suis à bout. Excusez-moi monsieur, mais est-ce que vous pouvez répéter votre dernière phrase? Je suis à bout. Tout. Je oui. suis à bout. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. Qu'ils sont cons. Mais voilà. Qu'est-ce qu'ils sont cons. C'était tous les matins où la pauvre journaliste Annie Kramer pouvait pas faire son journal parce qu'il y avait ce genre d'intervention en plein milieu, quoi. Voilà. Donc ça fait partie aussi des joies de la FM des années 90. Et puis ce que je disais aussi tout à l'heure dans le côté trash radio, c'est que aujourd'hui les animateurs, peu importe qu'ils le soient, et on l'est aussi, nous sommes des animateurs gentils. J'entends par là que si vous nous appelez, on va vous recevoir gentiment en vous posant la question de pourquoi vous appelez, etc. Essayer de parler avec vous, voilà. À l'époque, dans les années 90, il y avait quelque chose qu'on n'accepterait plus maintenant, c'est qu'on avait des animateurs où quand tu les appelais, alors il n'y avait pas forcément le passage par un standard téléphonique comme on l'a aujourd'hui, où finalement on sélectionne que une partie des auditeurs qui vont être les plus enthousiastes possibles et avoir les meilleurs sujets possibles, et l'animateur va pouvoir faire le sujet chose. Autour de ça. Ouais. À l'époque, on avait le téléphone direct, c'est-à-dire que tu appelais et tac, ça décrochait. Et là, tu avais une animatrice comme Super Nana, par exemple, qui a fait partie des premières radios libres dans les années 70 avec Carbon 14 et qui après a animé sur WFM Skyrock, qui décrochait et qui te disait « Ouais, t'appelles pourquoi ?» Toi, tu commençais à parler de ton problème, et si ça l'intéressait pas, elle disait ça m'intéresse pas, au revoir, boum, et t'étais raccroché au nez, quoi. Et ça se faisait énormément. Il y en avait un qui, après, dans les années, fin des années 80 et puis jusqu'au milieu des années 90, avant Tabata Cash, a officié sur Wii FM et puis Skyrock, c'était Maurice. Et Maurice, c'était vraiment le gars antipathique, mais on aimait ça. C'est-à-dire que le mec t'envoyait chier, te rabaissait si le sujet ne l'intéressait pas et te raccrochait à la gueule. Et pourtant, il y avait tous les soirs, il y avait des gens qui se battaient pour passer à l'antenne et être valorisés si le sujet l'intéressait par Maurice, en fait. Parce que si Maurice s'intéressait à ton sujet, c'est que déjà ton sujet valait la peine, quoi. Voilà. Et ça a commencé toujours par « Qui va là, je te prie ?» Et après t'écoutais, Maurice écoutait ce que t'avais à dire ou pas. On a un petit extrait, je crois, Teddy. Ouais. 22h, la giclée du soir en grand. La giclée du soir en grand. Je suis désolé. Je suis désolé. Personne ici n'a compris que tu n'avais rien à foutre là. Et casse-toi immédiatement avant que je te brûle. 16 42 36 96 96. Change de radio. Maurice est ici. Voilà, ça c'était la radio qui faisait peur. Mais tant de violence, j'adore. Et ouais, non mais c'est ça. En fait, t'avais des émissions comme ça, et si vous regardez les, il y en a qui sont dispo à des reportages d'époque sur YouTube et compagnie. C'est marrant en fait d'avoir un petit peu l'avis des auditeurs de l'époque. Qui avait envie en gros il était un peu maso, hein, mais t'avais envie de prendre une claque par Maurice et tu réappelais jusqu'à temps que t'aies un sujet qui l'intéresse. C'est participer au délire, ça c'est oui, toujours c'est cool de faire délire, ça, même si tu sais que ça va pas forcément bien se terminer, tu participes au délire, c'est cool. C'est ça. Mais voilà, donc un petit tour de la FM des années 90. Alors bien sûr, il y a eu plein de choses d'autres. Je pense notamment au festival Robles après sur Énergie. J'en ai peu parlé hein, d'Énergie, mais Énergie était une radio plutôt lisse dans les années 90. C'était la radio de tout le monde, la radio des hits. Là, j'ai plus parlé des émissions qui ont marqué cette époque et qui étaient notamment Fun Radio et Skyrock, qui avaient des émissions qui rentraient ou ouais, un petit peu dans le trash, et c'était un petit peu la course au trash, et ça plaisait. Voilà, ça plaisait jusqu'au moment où ça plaisait plus au CSA et on a commencé à mettre en place des standards téléphoniques avec des sélections d'auditeurs, de mettre une programmation, la programmation musicale aussi qui soit plus définie. Ça s'est un petit peu assagi à la fin des années 90, début des années 2000. Max a été le dernier animateur, et c'était beaucoup moins trash que les autres, hein, mais dernier animateur à avoir encore l'image de radio libre. De libre antenne en fait. D'accord. Voilà. Je vois. Ok. C'était le petit coup d'œil dans le rétro de la radio. On a appris beaucoup. Pardon. Non, vas-y. Ok. Moi j'avais 15 ans dans les années 2010 et ouais. L'émission de D-Fool c'était toujours au top. Tous les soirs on écoutait avec mes potes Romano qui buguait et tout et je crois qu'aujourd'hui ça marche encore de ouf. Hein. Ben, D-Fool marche toujours. Alors, je dirais que, alors même s'il y a moins de liberté qu'à l'époque, et notamment dans le ton de l'animateur et des sujets qu'il peut aborder, mais D-Fool est pour moi encore aujourd'hui la seule radio libre, enfin de libre antenne, on va dire, qui existe, parce que toutes les autres sont des émissions de divertissement qui sont basées sur des canulars ou des sketchs qui sont préparés, joués par des comédiens, etc. Donc pour pousser un petit peu ce qu'avait initié Arthur dans le début des années 2000 avec Planète Arthur sur Fun Radio, mais c'était de pousser au maximum le curseur du théâtre en fait, d'une pièce de théâtre. C'était ça, le début, ça a été avec Planète Arthur, et maintenant, c'est ce qui est généralisé dans ces émissions du soir, où on va te dire, bah oui, il se passe des choses exceptionnelles, mais en fait, ce sont des choses qui sont préparées, drivées par les animateurs. Et D-Fool est peut-être le seul encore aujourd'hui à faire de la libre antenne où les personnes appellent pour parler d'un problème, qui sont des problèmes qui émanent des auditeurs et non de la volonté de la radio de faire, de traiter ce sujet. Très intéressant, voilà. Monsieur le prof. Mais très intéressant, ouais. Je comprenais pas trop l'engouement qu'il y avait pour les radios à l'époque, connaissant seulement les radios de mon époque. Mm-hmm. Et du coup, je comprends le côté antenne libre, conneries, H24 et tout. Bah, ça, pourquoi pas, mais... Ah, pas tous en même temps. Pardon, Daniel ? Oui, je disais, c'était juste pour reprendre ce que tu disais, c'était bien ça le concept de radio libre qui était en 82, 83 ou 84, qui a vraiment été développé dans les années 90, comme tu disais. C'est vraiment là, ça a été, comme on dit, les années d'or de la radio libre, finalement, ouais. À cette époque-là. Oui. C'est ça, et en fait aujourd'hui ça a perdu de sa superbe aussi parce que Internet est arrivé, il y a eu des nouveaux canaux, les réseaux de discussion, enfin les la société a évolué en règle générale, les règles de société, tu vois, il y a certains trucs qu'ils faisaient à l'époque qu'on a plus le droit de faire maintenant et c'est même aberrant limite d'entendre ça. Alors qu'à l'époque, c'était normal. Enfin, c'était normal, on va dire. Mais mais t'as raison de le souligner, hein, Teddy. Il y a des choses qui peuvent nous paraître choquantes aujourd'hui, en l'écoutant en 2020, qui paraissaient tout à fait normales dans les années 90. Que ça soit sur la misogynie, que ça soit sur le côté, on se fait rembarrer à l'antenne et on se fait raccrocher au nez. Tout ça, c'est quelque chose qui nous paraît inimaginable aujourd'hui. Et pourtant, on idolâtrait ces animateurs, mais ça faisait partie du ton de l'époque aussi, quoi. Ma foi, c'est bon. Comme à la télé, hein, avec les filles qui se baladent nues en plateau dans les années 80, ça ne choquait personne. avec toi, Audrey, on va parler de tes premiers jeux PC dans un instant, avant l'intervention de Daniel et ses séries d'hier et d'aujourd'hui. Mais ça sera après Yann Wagner avec Daily Rose sur Indie Star dans cette programmation du soir du vendredi ou dans notre émission spéciale Noël et enfance à la radio. 21h, c'est l'émission à la maison sur Indie Star. Bienvenue chez vous dans cette émission à la maison et après un fleuve sur l'histoire de la radio et de la télé d'ailleurs des années 80 déluge, et 90. Un quoi ? Un déluge carrément. Un déluge, ben oui, c'était le déluge. Mais que voulez-vous, faut pas me lancer là-dessus. Je me suis lancé tout seul en même temps. puisque c'est une émission nostalgie. Ce soir, une émission de qui remonte à notre enfance, de comment on a vécu Noël à l'époque, de quelle était la magie, quels étaient nos premiers contacts avec la pop culture et notamment avec les jeux vidéo. Audrey, tu vas nous en parler de tes premiers jeux vidéo qui t'ont marqué. C'était des jeux vidéo sur PC, c'est ça? Exactement, parce que moi, la première... Enfin, j'ai pas eu de console avant très très longtemps. Et donc, mais j'avais un ordinateur. Enfin, j'avais, oh, on se calme, 94-2000, il y avait un PC pour toute la famille, ouais. Avec la box ADSL qui faisait crrr, crrr, crrr. C'était pas ADSL, justement, c'était le modèle. C'est ça, la box. Non, AOL, c'est ça que je voulais dire. Ouais, AOL. AOL. Et que tu devais raccrocher l'internet pour que ta mère ou ton père puisse téléphoner. Oui, sinon il gueulait. Ouais. Ah bah, c'est vrai, j'avais pas de ligne, donc comme ça, ça règle le problème. Putain, ça existe. Et t'avais un forfait de 20 heures par mois, fallait pas. Bien sûr, comme ton forfait de téléphone où il y avait 40 SMS, tu peux te dire que t'envoyais pas juste OK, hein. T'avais intérêt à les rentabiliser tes SMS. Oui, mais pas plus de 160 caractères, parce que bien sinon, sûr. T'envoyais deux SMS. Et pas de smiley, parce que sinon, ça mange des caractères pour rien. Bref, c'est pas de ça dont je voulais parler, c'est des premiers jeux auquel j'ai joué sur le PC. Alors, je vais aller beaucoup plus vite que Yann, n'est-ce pas? Que Théo, pardon. I am a little bit fatiguée, désolée. Le premier jeu dont je vais vous parler, où Théo en a parlé tout au début de l'émission, c'était il y a 1000 ans, c'est-à-dire, c'est Adi et Adibou, en fait, la série de jeux Adi. Donc, pourquoi ces trois premières lettres, Adi? C'est pour accompagnement dictaticiel intelligent. Oh la vache. C'est un anagramme, en fait. Parce que c'était pas un jeu. Si, c'était un jeu ludo-éducatif. Ouais, moi, je l'ai pas vécu comme ça. Comme tout ce qui se faisait à l'époque. C'est un jeu qui a été... La franchise a été créée en 90. Et le premier Adibou, donc, a été vendu à plus de 5 millions d'exemplaires. Donc au final, ça a été hyper bien vendu. Dans ce jeu, en regardant la fiche Wikipédia, je me rappelle pourquoi je m'en rappelais pas comme d'un jeu éducatif, parce que la version que j'avais, c'était donc Adibou pour les 4-7 ans, quelque chose comme ça. Oui, moi j'avais Adibou. Oui, toi aussi, Martin, tu l'avais? Ouais, j'adorais. Moi aussi. Est-ce que la chanson des trois petits chats? Merci Martin, merci. Oui, toi t'es un vrai. Merci. Trois vilains petits fripons sans un bruit. Oh là là. Bref, je l'ai réécouté tout à l'heure. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc avec des continues, parce qu'en fait le jeu de lecture et d'apprentissage, c'était vraiment quelque chose d'optionnel. Ça faisait partie du jeu, mais ça te permettait pas d'accéder à autre chose. Ouais. Tu pouvais faire plein de choses à côté. Donc t'avais plein de personnages comme Plop, qui était ton chien ventouse, qui adorait les gâteaux au chocolat, les oiseaux, et embêtait Bouzigouloum, qui était un monstre grognon et maladroit, qui lui raffolait des gâteaux. Non, dans ce que moi j'ai retrouvé sur les trucs, nous on l'a appelé Bajibouzouk, parce que ça c'est une insulte du capitaine Haddock. Mais le vrai nom, c'est Bouzigouloum. C'est un vrai nom, ça, Bajigoulou. Ouais, c'est le nom du monstre, qui était un monstre hyper grognon et maladroit, mais qui allait vachement mieux si tu lui faisais des gâteaux aux fraises. Et les fraises, tu pouvais aller les cultiver avec Robitoc, le robot jardinier. Et il y avait plein d'activités à faire. C'était un extraordinaire point and click pour l'époque. Et donc ça, c'était l'un de mes premiers jeux. Ça m'a marqué d'ouf. Avec cette fameuse comptine des trois petits chats qu'on a dévoré. Mais tu sais quoi, Audrey? Pour te faire plaisir, les trois petits chats. C'est vrai, tu l'as? Non, tu l'as. Alors là, on entend plus la musique de fond. Ça commence. Putain, ça dure 2 minutes cette merde. Oh, sans déconner. Sont entrés dans ma maison. Bah oui, c'est vraiment vrai qu'il y a une marque sur le groupe, c'est pour ça que je connais les paroles. Mais voilà, donc absolument insupportable à écouter en boucle, mais nous on adorait ça. Oui, mais tu vois, moi j'ai souvenir, alors moi j'avais pas Adibou, j'avais la version. Non, mais c'est bon, excuse-moi Théo, mais du coup t'as trop parlé, donc t'as épuisé ton temps de parole. Donc je vais terminer mon sujet et je vais dire que oui, Adi, ce n'est pas que Adibou, c'est aussi toute une série de jeux. Oui. Et oui, effectivement, il y avait des jeux éducatifs destinés parce qu'il y avait Adi Bouchou pour les 18 mois 3 ans et il y avait Adi tout simplement destiné aux 10-14 ans qui était beaucoup moins fun. Voilà, que spécialisé dans maths, français, etc. Ouais. Toutes les classes, tout ça. C'était mais moi j'ai eu la chance. C'était les gros chiens alors. Ouais, non mais moi on m'avait offert le truc de maths, tu sais, Adi en voilà. maths alors que je déteste les maths et du coup Adi moi j'en ai un mauvais souvenir quoi. Qui était absolument incroyable comme tu t'en rappelles Martin certainement. De toi aussi tu y as passé des heures sur Adi. Ah bah à ouais. À faire ouais. des gâteaux aux fraises et à faire des trucs trop bien, de construire des cabanes et tout. Ah oui, bref. Berger et tout. Ah là là, tout est super bien. Je vois que t'es en bref, train de parler avec quelqu'un par message, Martin, et t'es en train de dire que tes gâteaux étaient toujours pourris d'ailleurs. Ah, oui, moi j'arrivais pas à faire des bons gâteaux et c'est valable dans la vraie vie aussi. Oh, pauvre Martin, je te donnerai des cours, c'est pas compliqué. On va aller manger chez qui si tu fais pas de bons gâteaux alors? On va venir donner manger à la maison, il n'y a pas de souci, je donnerai des cours. On arrive, Audrey, prépare le gâteau, on arrive dans une heure après l'émission. Hein. Alors d'accord, dans les autres jeux que je jouais quand j'étais plus petite, il y avait Marine Malice qui était développée par le développeur de jeux vidéoludiques des années 90, Among Us, je sais pas comment ça se prononce. Je connais pas. Among Us, qui est Marine Malice, tu incarnais une jeune poisson jaune avec son ami le poisson vert qui se nommait Luther. Et c'était un jeu de point and click où tu faisais une enquête sous-marine donc, et c'était hyper intéressant. En fait, c'était encore cette période où les développeurs étaient à la fois des adultes et des enfants et prenaient pas les enfants pour des quiches. Donc, t'avais un vrai scénario, un vrai jeu. Il y a eu cinq jeux différents, cinq aventures. Et dans le même style d'aventure vidéoludique où t'apprenais des choses sans vraiment t'en rendre compte, il y avait Pousse-Pousse, entre dans la course. C'est le premier, t'incarnais une petite voiture violette avec ton chien Peps. Et Pousse-Pousse venait de Tacoville. Et donc, tu pouvais personnaliser ta voiture. Et donc, le premier épisode, enfin, le premier jeu se passe au zoo où tu dois récupérer les bébés animaux et en même temps, t'en apprends plus sur comment les animaux vivent, tout ça. Le deuxième se passe dans un voyage dans le temps. Le troisième c'est le générique que je viens de vous faire. Donc, Pousse-Pousse entre dans la course où tu dois faire une course de rallye à 500 km de Tacoville. Et c'était absolument incroyable. Ensuite, si tu voulais un peu plus d'aventure et moins de voiture, si tu voulais un espion flegmatique, mais pas jouer avec Tomb Raider parce que c'était pas de ton âge, t'avais Spy Fox ou James le Renard, qui était donc dans la même ligne éditoriale. Rien à voir avec Crash Bandicoot. Non, rien non, à voir. Spy là, Fox, c'était un renard oui. hyper flegmatique, hyper blasé, qui, bon, c'était un 007 en fait, qui buvait du dry martini et qui enquêtait sur des affaires un petit peu sordides, un petit peu. Il y avait des meurtres et tout. On est d'accord, c'est le personnage qu'on retrouve qui s'appelle Fox dans les jeux de la licence Super Smash Bros. Brawl. Enfin, ouais, les oui, jeux Super fait. Smash. D'accord. Exactement, Teddy, c'est okay. ça. Et alors là, mais le top, le jeu que j'ai poncé, mais pendant des heures, parce que d'une, il était dur, et de deux, il était extrêmement bien. C'est Carmen Sandiego. Mon Dieu, ça Carmen existait, Sandiego, ça c'était on sait pas, on sait pas. Life. Ça, non, mais Carmen Sandiego, c'est sorti en 85. Quoi ? C'était le début. Mais oui ! Je pensais Carmen que c'était hyper Sandiego, récent. Le jeu. D'accord. Le jeu Where in the World is Carmen Sandiego ? C'est sorti en 85. Ah, mon c'est Dieu. Sorti sur Apple II, Amiga, Amstrad, le Commodore 64. Enfin, que des trucs incroyables. Et ils en ont refait une édition PC dans les années 2000. Ouais. Donc, CD-ROM, évidemment. CD-ROM. Ouais. La modernité. Ah là là. Pouf, Windows 95. Le futur. Le turfu où le jeu ne prenait que 2 minutes à charger. C'était incroyable. Et donc, tu étais un enquêteur ou une enquêtrice qui suivait à travers 30 ou 40 villes dans le monde la fameuse voleuse Carmen Sandiego qui te menait en bateau et où tu avais 7 jours pour résoudre ton enquête dans la ville où t'étais et pas un de plus. Et si tu perdais la trace de Carmen Sandiego, tu perdais le jeu sans sauvegarde, évidemment. Excellent. Tu n'avais pas de sauvegarde sur ton PC du jeu ? Ah ouais. Mais bien sûr que non, Carmen Sandiego, et t'avais pas de sauvegarde. Donc tu devais bidouiller. Je me rappelais plus comment je faisais. Ah oui, bah si. Par contre, tu pouvais mettre les jeux en espèce de veille. Alors je faisais un contrôle Alt-Sup pour réduire la fenêtre du jeu et pour pouvoir le reprendre plus tard. Mais ça, ça marchait que si mes parents ne débranchaient pas l'ordi. Oui. Ah. Évidemment. Et donc, combien d'heures j'ai passé sur Carmen Sandiego ? C'était incroyable. Ça, c'était vraiment les jeux qui ont marqué mon enfance. Ma foi. Daniel ? Je disais rien que pour l'embêter, il débranchait l'ordi. Non, mais parce que ça consommait de l'électricité, tout ça, toi-même, tu sais. Donc, bon, voilà, l'écologie à ses débuts, et puis, bah, ils comprenaient pas trop le fonctionnement de l'ordi. Puis, des fois, peut-être que quand mes parents, l'ordi buguait, ils débranchaient tout. Ouais. Ça arrive. Peut-être j'avais la même sur la Mega Drive, hein, que je mettais en pause parce qu'il n'y avait pas de sauvegarde. Et bah, s'il y avait un coup de ménage pendant que j'étais dehors, bah, le coup de ménage réinitialisait le jeu Sega, et c'était reparti. Donc voilà, ouais, Carmen Sandiego qui m'a passé. Après, évidemment, je suis passée sur les Sims, Age of Mythology, Age of Empire, Caesar. Age of Empire, tu l'as connu après, toi ? Parce que c'est vieux, hein, Age of Empire. Vieux, mais j'étais beaucoup plus vieille quand j'ai joué à des jeux de stratégie. D'accord. Après Carmen Sandiego et toute cette... j'avais évidemment les Alexandra Lederman... Tous les garçons et les filles qui aimaient les poneys Alexandra Lederman. Ah, ils ont sorti plein en plus de ces conneries. Je les ai tous eu, j'ai adoré. Rappelle-nous le concept. Bon, tu te balades avec un cheval. Poney, bien sûr. Alexandra Lederman étant une multi-championne de France d'équitation, a fait sous son nom une licence où tu montais, brossais et partais en concours avec ton poney. Je crois que j'ai le 4 chez moi. Incroyable. Ouais. C'était incroyable. Je vais peut-être te faire envie, Audrey, mais chez moi, j'ai une pochette pour une Game Boy Alexandra Lederman. Ah là là, mais ça, quand j'étais petite, c'était le summum de ma vie. Hein. Est-ce que tu l'avais sur Game Boy aussi, le Alexandra Lederman ? Ah non, moi, j'avais que sur PC. Moi, je ne vivais que. J'ai une pochette, enfin une pochette, un étui Game Boy, pardon. Sur lequel est siglé Alexandra Lederman. Ça doit être vachement bizarre. Potentiellement, il y avait une version Game Boy. Ah oui, parce que la franchise, elle s'est arrêtée au tard. Hein. La franchise, je crois qu'elle s'est arrêtée en 2010, un truc Ouais, mais ça. Attends, une version Game Boy. Attends, on parle bien de la Game Boy, on est tous d'accord. C'est genre la Game Boy type color, tu vois, genre avec des pixels. T'imagines un cheval là-dessus ? Non, c'était pas celle-là. C'est quelle Game Boy ? Je sais pas, c'était laquelle version. Mais tu mets le cheval dans la Game Boy, t'inquiète pas. Oui, parce que t'étais en point de vue joueur, donc en fait tu devais avoir juste la tête du canasson devant toi et ça passait super. Putain, ça doit être horrible. Donc, les versions Game Boy, c'était pas les mêmes que les versions PC. Hein. C'est vraiment le jeu était simplifié. En plus Game Boy Color, mais avant les Game Boy Color, il y a eu les vrais Game Boy. Hein, les noirs et jaunes, fond d'écran avec Tetris en noir et blanc, comme on disait. Ouais, bah oui, les crises là, ouais. Ouais, c'est ça, la crise d'Alexandra Lederman, elle s'est arrêtée en 2010. Mm-hmm. Ouais. Et il y en a même une sur PlayStation portable, wow, incroyable. Ah, une sur PSP. Nintendo DS, une sur Game Boy Advance. Enfin bref, il y en a eu plein. Et donc voilà, j'ai passé des heures sur les Sims Zoo Tycoon. Les additionnels, je les ai. Foncez, enquête, en ce que tu veux, en construction, Wildlife Park, c'est pareil. Enfin, ça, c'était. J'y ai passé des heures, des nuits blanches, des semaines de vacances. Comme mes parents travaillaient très tard et que j'étais toute seule à la maison, autant dire zéro contrôle parental sur ça, j'y ai passé des heures. Donc voilà, mais c'était très très bonne. C'était très bon souvenir en fait, j'ai appris plein de choses en gestion, en plein de trucs. Et puis Alexandra Lederman, on va pas se mentir, hein, la nuit je jouais à ça. Et puis le mercredi après-midi, j'étais sur un poney, hein, parce que on renie pas ses origines. On fait du poney jusqu'au bout, avec les posters de poney dans la chambre. En fait, vous voyez tellement de poney partout. Poney, et à jouer. Je vis poney, je dors poney. À jouer au poney sur le poney. Ah, mais quand mes tantes, enfin, ma mère ou des gens de la famille achetaient quelque chose, je sortais m'acheter une poupée. S'il y avait un poney avec. Je prenais que le poney et je laissais la poupée en vrac. Hein. Bon, de toute façon, les poupées, je détestais ça, je leur arrachais la tête. Donc bon, oh, classique. Il valait mieux pour elles que tu les laisses à quelqu'un. Voilà, c'est ça. Genre des Barbies, j'avais eu que des... Enfin, je n'ai pas eu que, mais il y avait... j'avais une cavalerie de Barbies absolument incroyable. Et j'avais genre deux Barbies pour faire genre, il y a des cavaliers et cavalières. Mais bon, voilà, quoi, c'était histoire de... Hein, sinon... Les autres étaient dans un coffre avec la tête coupée. Ah, mais pas... Non, arraché, mais il n'y en avait pas d'autres. En fait, genre, parce que... Bah, je sais pas, je m'en foutais, j'arrachais la tête pour faire de... pour bien faire comprendre à mes parents que je détestais les Barbies. Ils ont bien compris le message au bout d'un moment. Ils sont enfilés. J'ai une tête traînée. Oh là là. Nous, on a été très vite, on a compris le message. Hein. Donc voilà. Et donc voilà. Donc le PC a été ce qui a fait découvrir ma vie de gameuse. Après, beaucoup plus tard, au lycée, j'ai joué avec des amis. Étienne, Jean-Luc, Céline, Noémie, si vous vous reconnaissez, si vous écoutez, c'est avec plaisir. On a joué au fameux League of the Legends qui existe toujours, hein, d'ailleurs, hein, où on a passé des nuits à ça. C'était des jeux coopératifs de bagarre. Et en ligne, c'était ouais, des jeux voilà, en réseau. Ouais. Chacun avait son personnage, t'atterrissais sur une map et tu faisais la bagarre. Et combien de fois de oui maman j'arrive, attends je finis ma map, j'arrive, non mais c'est bon là, ça va, non mais j'en ai encore pour une demi-heure, c'est bon, non mais ça va quoi, voilà. On l'a tous fait hein, pour une raison ou pour une autre, mais les fameux oui j'arrive alors qu'on n'avait pas du tout fini, les parents ont tous crisé pour ça, la magie des parents qui éteignent le disjoncteur de ta chambre, bam, allez hop, rangez. Ah non, moi ils sont pas allés jusque là, tant mieux. C'était radical, hein. Attends, il y avait pas. Ah non, t'as fait le poney. Oui, c'est ça, ouais, c'était un peu ça. Mais bon, voilà, donc ouais, les jeux qui ont marqué mon enfance, c'était vraiment Adibou, Marine Mania, Marine Malice, pardon, Pousse Pousse, Firefox, Carmen Sandiego, et plus tard, les Sims, Zoo Tycoon, Age of Empire, Age of Mythology. Civilisation aussi ou pas? Non, même pas. Non, j'ai vraiment. Enfin voilà, Alexandra Lederman et autres. T'as parlé de Black and White et... aussi parce qu'on en avait parlé en off. Black and White aussi, c'est un jeu de gestion un peu comme Age of Empires. Je n'y ai jamais joué à mon grand. Ah, c'est triste. C'était un rêve, mais je n'y ai jamais joué. Il va falloir remédier à ça. Bien sûr. Tout bah est possible. Ça n'existe plus vraiment. Et oui, puis en vrai, maintenant, j'ai décidé, enfin, j'ai choisi d'avoir une vie sociale. Je ne peux pas geeker autant que je geekais quand j'étais plus jeune. C'est pas mal, mais quand même, petit clic sur, enfin, petit focus sur un site qui existe. Et si vous voulez rejouer à des anciens jeux comme ça, le site s'appelle Abandonware, qui propose de télécharger comme ça des jeux des années 80, 90, début 2000, et qui nous permettent de jouer sur des PC actuels à des jeux un peu plus anciens. C'est comme un émulateur. C'est pas un émulateur, en fait, c'est les jeux qui ont été recompilés pour que ça soit compatible avec Windows 10, hein, par exemple. Donc, les jeux sont livrés tels quels et tu les installes sur ton ordinateur comme tu le faisais à l'époque et, pour y jouer. Ah, bien. Et ça, bien. Bah, ça fait plaisir, en fait, de retomber sur des jeux comme ça. Des fois, ça fait mal aux yeux, mais. Oui, mais c'est le sentiment, c'est l'attachement. Genre, quand tu vois les Sims modernes maintenant, les 6, 7, je crois, et les premiers Sims, le Sims 1 avec le pack magie, c'était absolument moche, mais c'était trop bien. Genre. Ouais. Le add-on Abracadabra, je l'ai encore en CD, hein, si tu le veux, Audrey, il n'y a pas de souci. Je les ai tous eus, mais je les ai jetés, enfin, ils sont passés à la trappe à un certain moment, mais oui, moi, j'avais tout ça en jeu vidéo. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est plutôt bien, c'est une bonne petite base. On va se faire un petit battle de séries à la mode ancienne, moderne, voire future dans un instant avec Daniel pour nous parler de tout ça. Et puis avant, on a Jess Muskaluk avec Halfway Home sur Indestar pour cette émission qui continue hein, au-delà de 23h puisqu'il est déjà un peu plus tard. Bon, en même temps, c'est pas grave, on est vendredi soir, c'est la fin de semaine et c'est peut-être même les vacances à la maison. L'émission à la maison, c'est sur Indestar. Bienvenue chez vous. Et on ne donne même plus l'horaire hein, parce que... c'est jusqu'au bout de la nuit, mais c'est la fin de semaine et c'est la dernière de l'année déjà, hein, en ce 18 décembre, quelques jours avant Noël pour parler de Noël, mais aussi de Noël de notre enfance et plus généralement de ce qui nous a marqué quand on était petit, dans les années 80, 90, 2000, et même avant cela, hein, puisque Daniel, qui est avec nous ce soir, date de 1515 Marignan au Palan. C'est dur à cette heure-ci. Voilà, c'est à peu près de la même époque que Père Fourasse, quoi. C'est mon petit frère, en vérité. C'est ton petit frère, tout à fait. Et justement, on va pouvoir, grâce à ton vécu, comparer les séries d'hier, d'aujourd'hui, et même avec ta vision futuriste, celle de demain. Oh oui, très futuriste. Exceptionnellement pour vous ce soir, je vais lire l'avenir. Super. On n'a même pas besoin de boule de cristal. Hein. Suffit d'un micro. Non, mais quand on fait tout, c'est virtuel maintenant. J'ai une boule virtuelle sur le PC, c'est bon. Ah, bah bien sûr. Bien sûr. Grâce à l'internet. Elle s'appelle pas que Google, ma boule virtuelle. Elle a d'autres noms. Hein. Voilà. Alors, j'aimerais commencer juste par faire un petit tour de table. Bon, vous avez parlé de votre enfance, des années 80, 90, 2000. Et les séries d'aujourd'hui. Les séries. Je vais dire dédié à l'enfance, que ce soit la petite enfance, les ados. Est-ce que l'un d'entre vous en connaît au moins une, peut-être Les pyjamasques. Vous voulez des séries d'enfants là actuelles? Bah oui, T'as les Octonautes, qu'est-ce que je regarde, la Pâte Patrouille, Pâte Patrouille, c'est bien. T'as les Lapins Crétins, Ça c'est pas trop pour les enfants, ça encore. C'est plus pour les petits ados. Ouais. Et puis c'est pas que d'aujourd'hui, ça date. Non, mais ça s'écoute toujours. Je dis quelques années, une dizaine d'années, hein, on peut prendre 2010 aussi. Shaun le Mouton aussi, j'en mets beaucoup à mon fils. J'aime bien mettre des Shaun le Mouton, ça, c'est cool. Ça passe encore à la télé, ça? Bien sûr, ça y est sur Netflix, figure-toi. D'accord. Parce que mon fils regarde pas vraiment Netflix, la télé. Mais tous les dessins animés. Les TG ou les trucs comme ça. C'est peut-être con à dire, mais en vrai, la génération de mon fils ne vont sans doute pas regarder la télé, en vrai. C'est vrai, t'as raison. J'ai vu qu'il y avait un remake des Mystérieuses Cités d'Or. Je connais pas. Ils font un remake, mais où ça se passe en Chine. Non. Genre, en gros, c'est pas du tout la même histoire que nous, on a connu. C'est toujours Esteban, Tia et Pao, et ils sont avec le grand Condor et ils vont à la recherche des autres divinités dans d'autres pays, tout ça, tout ça. C'est le problème des remakes où des fois en fait ils n'ont rien à voir avec ça déçoit les fans de la série de la première heure. Pour les séries pour plus ados par exemple, parce que là on a parlé surtout des petits, pour les ados, comment elle s'appelle la chanteuse là, sud-américaine là, Violetta. Violetta. Ah ouais, mais ça c'est les trucs Disney, ça c'est, enfin, c'est nul à chier clairement. Pour les ados. Les ados en Amérique encore, hein, parce que par chez nous on n'a pas de ça. Ah quoi? Tu rigoles? Je faisais cours à des mômes, ils arrêtaient pas de chanter les chansons de la cour de récré. Oh mon dieu, on pourrit le cerveau de nos gosses. Après il y a Scam, il y a Riverdale. Je sais pas, Inazuma Eleven. Il y a. Il y a quand même quelqu'un qui se documente, c'est bien, parce que c'est vrai que. C'est la preuve qu'on est toujours marqué par ce qu'on a vécu dans notre enfance. Surtout, nous sommes tous, même si je vous entendais parler tout à l'heure de 6 chaînes dans les années 80, moi, quand je suis né, il n'y en avait qu'une seule. Oui, bien sûr. Ouais, et les programmes jeunesse, ils n'étaient pas très jeunes. Tiens, d'ailleurs. Nuit les petits, Pimprenel et Nicolas, quand même, à l'époque. Oui, justement, on va y venir, mais je vais d'abord vous poser deux questions. Oui, je vais d'abord vous poser deux questions. On parle de notre enfance, des films, séries, enfin là, surtout des séries dédiées à notre enfance. Savez-vous quand, éventuellement dans quel pays, a été tournée la première série que l'on peut considérer comme étant dédiée? Vraiment tourné vers les enfants conçu pour les enfants. Au Japon. Pourquoi le Japon? Parce que les Japon, c'est les meilleurs. D'accord. Oui, mais à l'époque, c'était pas eux. Merde. Je vous parle d'Hollywood. À l'Amérique. Ouais, oui, les États-Unis, ouais. Ouais, dans le dos, Est-ce que que, et là je parle vraiment dans ce cas de série de plus, ça, on va appeler ça de série de court-métrage plus que de feuilleton de série télévisée. Savez-vous de quelle année ça date? 1515 Matignon. T'étais déjà né? Non, ça c'est ma naissance. Théo l'a dit tout à l'heure, maintenant. Début préhistoire, fin du néo-paléolithique. Non, je sais rien. Par rapport à l'âge du cinéma, oui, en 1922. Ah, ouais. Il y a une série qui s'appelait Des Petites Canailles. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Je ne connais pas du rien tout. Du tout. Connais non. pas du Alors, tout. À l'époque, c'était révolutionnaire à l'époque. Parce que d'habitude, le cinéma, ça. Parce que déjà, ça considérait les enfants comme des êtres humains incroyables. Avant Françoise Dolto. Waouh! On sait maintenant d'où elle tient ses théories, hein, des petites canailles. Hein. Ça fait, t'as tout dévoilé aussi. Hein. Alors, c'était des séries de courts-métrages, c'était vraiment fait pour le cinéma parce que la télévision n'existait pas encore à l'époque. Et ça mettait en scène une bande de gamins des rues. Alors, au lieu d'être le gamin de BCBG, de bonne famille, t'avais vraiment les gamins de l'époque, dans leur tenue de l'époque, faisant leurs conneries de l'époque. C'était assez extraordinaire. Et même, ça a tourné avec quand même succès, avec un certain succès, jusque dans les années 70-80, quand même. Hein. Ça a commencé en muet. Ah oui, ça a tourné à la télé jusque dans les années 80? Même en France. D'accord. Bah tu venais de naître années 80. Bah oui, je n'ai pas connu ça. Moi. Ouais. Voilà. Enfin, c'est un truc qu'il n'a pas connu. Alors, le premier programme dédié à la jeunesse, juste je fais une parenthèse, en France, sauf erreur de ma part, c'était France 3 Jeunesse, qui a débuté en janvier 73. Et à cette époque, dans les années 70, alors tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a cité, c'était où, c'est ça, avec Bonne Nuit les Petits, et c'est exact, qui n'a pas duré très très longtemps finalement, hein. ça a marqué beaucoup les esprits, mais ça n'a pas duré longtemps. Il y avait les Shadocks aussi dans les années 60, c'était super. Oui, alors ça, c'était extraordinaire. Ouais. C'était un petit peu comme vous disiez tout à l'heure à la radio, il y a des émissions où on ne ratait pas, dont les Shadocks. On allait toujours chez un copain ou une copine et on allait, même si on était en train de faire les zombies dehors. J'adore la voix off des Shadocks qui est la même que certains Astérix en dessin animé. Elle est glauque, pied plus. Ouais, c'est ça. Ouais, pied plus. Ouais. Ouais. C'est ça. Voilà. Ah oui, alors, pour parler voix off, juste comme ça pour faire une petite anecdote. À la Théo. Dans Carmen Sandiego, on a notre grande Brigitte Lecordier nationale qui voix off dedans, qui parle dedans. Ah ouais, qui fait un des personnages. Brigitte D'accord. Lecordier, si vous connaissez pas, c'est elle qui fait la voix off, c'est notamment de Oui Oui et de Sangoku quand il est jeune, dans Dragon Ball Z. Oui. Là, ça va parler à tout le monde. Ça, je connais. Cette série est incroyable. Regardez-la. Mais pas avec des enfants. Mais Pipoudou. C'est génial. Et Oui. Tout le monde doit connaître de notre Alors génération. À l'époque, les séries, il fallait mettre en scène des héros qui valorisaient, je veux dire, le bien, tout simplement. Enfin, la morale. Les bonnes façons de vivre, les bonnes manières, les bonnes morales. Alors, on avait bien sûr Zorro, La Fronde, que vous connaissez peut-être pas. Après, plus dédié quand même, ça commençait à venir pour les enfants, des choses comme vous avez peut-être entendu parler, Flipper le Dauphin. Oui, j'ai regardé Flipper le Dauphin. C'est vrai que j'ai oublié de le dire dans les séries tout à l'heure, mais j'ai regardé. Ouais. Oui, ça date des années 60, hein, donc tu as parlé de 90, donc t'avais pas faux. Mais il y avait Skippy le Kangourou aussi. Oui, aussi, j'ai regardé ça aussi. Et on a commencé à voir des séries un peu comiques quand même arriver, pas obligatoirement dédiées pour les enfants, mais. Avec un certain humour, comme Les Fous du Volant, par exemple, qui a duré quelques décennies. Satania, c'est Diabolo. Ouais, il y a eu aussi Les Merveilleux Fous Volants, qui était une déclinaison, d'ailleurs, de cette série, ouais, avec Satania, c'est Diabolo, qui faisait toutes les vacheries possibles pour arriver premier. Et malheureusement, comme par hasard, ça ne fonctionnait jamais, d'ailleurs. Je pourrais dire un truc très pragmatique là-dessus. Mon père avait regardé Les Fous du Volant, et du coup, il a appelé un de ses chiens Diabolo. Voilà, fin. Laura, si tu m'écoutes, c'est pour toi. C'est fait. paf, un petit coucou. Mais en même temps, même aujourd'hui, t'as un chien qui s'appelle Pikachu et l'autre qui s'appelle je sais plus comment. Draco, enfin, c'est aussi un nom de Pokémon. Avec la pop culture. Oui. Oui. J'ai même entendu il y a pas si longtemps que ça une gamine qui s'appelait Sakura. Ah bah tiens, j'allais en parler justement dans Naruto. Ma sœur s'est acheté un chien et il s'appelle Shikamaru. Oui. C'est aussi de l'univers de Naruto. Et du coup, on l'appelle Shiki. Voilà. Shikamaru, c'est... Non, c'est le ninja qui maîtrise les ombres dans Naruto. Oui, ah non, c'est ça. Si, c'est ça. Le chien, c'est comment, là, qui est avec... Akamaru. Akamaru. Akamaru, voilà. Bah, j'étais pas loin, je savais qu'il y avait quelque chose. Pas loin. Mais Shikimaru, ça sonnait mieux. Shiki, tu vois, quand tu l'appelles Shiki, c'est bien. Shikimaru, oui, pour un chien, c'est pas mal aussi. Ça le fait bien, voilà. Mais bon, je pense qu'on a dévié tellement du sujet, là. Genre, ça, est-ce que c'est bien pour un autre chien ou pas? Ouais. Non, mais moi, m'emmener dans des délires, tu sais très bien, là, tu m'attrapes et ça marche à chaque coup. Hein. C'est vrai. Alors, après, on a vu quand même des séries arriver avec un peu d'humour. Il y a eu Les Pierres à Feu. Daktari, est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un aussi? Oui, ah, bah si, oui, Daktari. Bah, il y en a un peu. Voilà. Mais non, je sais pas si on en a parlé à l'antenne ou hors antenne l'autre fois de Daktari, mais je sais plus. Qui se passait dans l'univers animalier, dans la jungle. Oui, bon, à la fin, on a vu des aberrations qui étaient. C'était soi-disant, donc. Enfin, pas soi-disant, je veux dire le lieu de. Alors, pas avec tous les mots, là. On sent que tu cherches ton mot, là. Ouais. Se passer théoriquement dans la jungle, et à la fin, on a vu apparaître un ours brun, donc. Ouais, ah oui, mais parce qu'il fallait rajouter du suspense à la série qu'on manquait un peu. Parce que, je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait genre 1 minute 30 entre chaque dialogue, hein, dans Daktari. Ah la vache. Oui, souvent, s'accrocher. Il y avait entre temps la guenon qui faisait l'andouille ou alors le lion qui rugissait, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'après on a vu quand même arriver d'autres dessins animés, surtout avec les Toons comme Bugs Bunny, Daffy Duck. Bon, même si ce sont des petits épisodes, il y en a eu tellement de faits qu'on peut un peu les considérer comme on les voyait à la suite, un peu comme des séries. Ouais. Et on est arrivé début des années 80. Alors là, ça a été le grand boom. Et de toute façon, symbolisé, je pense, par Goldorak, Albator. Ah, là, les mangas. On a la Woo Japan. Japan, les mangas, la Japan influence, ouais, ce que tu veux, effectivement. Voilà, c'est ça, le déferlement de la culture japonaise. Ouais. Bah, qui est arrivé dans les années 90, hein, quand même, chez nous, en France. Bah, Goldorak, c'est arrivé dans les années 80. Hein. Ouais, Goldorak, c'est les années 80. Des ouais, précurseurs. Donc, il y a eu Albator, et puis après, c'est vrai, oui, le déferlement, c'était vraiment, vraiment dans les années 90. Mmh. Et donc, bah, si on peut faire une comparaison, quand même, parce que c'est un peu le. De ton sujet ? De mon sujet ? C'est ça. Voilà. c'est quand même l'évolution qu'il y a eu. Au début, les séries pour... ça n'existait pas. Les enfants, comme l'a dit si bien Audrey tout à l'heure, quand j'ai parlé de la série Les Petites Canaries. Ah tiens, ça existe, les ouais. enfants. Et on a ciblé petit à petit en créant des univers avec ces séries. Plus ou moins utopiques, plus ou moins beaux, ou qu'il y a toujours une morale, qui va vers le bien. Voilà, et là, c'est vrai qu'on tombe après sur le principe du manga, et c'est là qu'on voit la culture nippone, où il y a le petit être, alors soit faible, maladroit, l'abruti de service, enfin tout ce que vous voulez, qui veut faire quelque chose, et à force de travail, avec de temps en temps un petit coup de pouce du destin, arrive à faire quelque chose. Ça, c'est le principe du manga et de la culture. Le shonen, dans son état pur. Ouais. C'est vrai. Alors, dans les séries, moi, j'ai surtout retenu quand même des dessins animés, parce qu'on est sur la culture jeunesse, je vais dire, jusqu'à 10-12 ans facilement, avant de passer sur la partie ado. Donc, alors il n'y avait quand même pas que de la culture nippone. Si je vous parle de choses comme Capitaine Caverne, Denis la Malice, Inspecteur Gadget. Alors ça va être pour Yann, pour Théo, Gadget. Pardon. Ça va être pour Théo, oui, tous ces côtés-là. Oui, Inspecteur Gadget. Mais le reste, non. Hein. Ouais, clairement. Oui. Mais justement, je garde la partie manga, tu gardes la partie autre. Oui, alors. Dans les gadgets de l'inspecteur, est-ce qu'il y en a un, par exemple? Si vous aviez le choix d'avoir, vous, gadget de l'inspecteur à disposition. Vous prendriez lequel? T'as des propositions ou pas? Je vous laisse vous rappeler, puis si vous vous rappelez pas, c'est pas grave. Hein. Il avait un hélicoptère, si je me rappelle bien. Il avait un hélicoptère sur la tête. Vu que je me rappelle de celui-là, je vais. Ah, il avait des bottes aussi qui pouvaient permettre de sauter loin. Oui, exact. Il avait les bras qui s'allongeaient. Il avait son téléphone intégré dans sa main. Ah non, c'est pas lui. Ça, je me rappelais pas de ça. Non, c'est peut-être pas lui. Ouais. Non, c'est peut-être un autre truc. Mince. Oups. Non, t'avais des trucs avec son chapeau, genre l'appareil photo. C'était un chapeau magique. T'avais toujours quelque chose de nouveau dans le chapeau. Ouais, c'est ça, les jumelles. Enfin, ouais, tout ce qu'il fallait, quoi. Un peu maintenant. Joséphine Ange-Gardien a repris un peu le principe, mais elle, c'est dans son sac à main. Ouais. Ah, et les doigts tournevis aussi. Bon, oui, ma foi. Bon, en même temps, ils pouvaient créer tout ce qu'ils voulaient. Enfin, comment dire, les développeurs, enfin, ceux qui dessinaient, en fait, n'importe quelle partie pouvait être un robot ou quelque chose, en fait. Ils avaient libre champ d'imagination. C'était Cyberpunk 2077. Ouais. Bah, autant Cyberpunk, je suis fan, autant Inspecteur Gadget, tu vois, je suis beaucoup moins fan. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est à cause de la musique ou à cause du plouc, parce que pour avouer, quand même, il est quand même assez beau. Enfin, c'est un manche. Alors, clairement. Oui, oui. De toute façon, tout ça, c'était pour dire que finalement, Teddy l'a dit, Inspecteur Gadget, Teddy ou Théo, je sais plus lequel des deux, Inspecteur Gadget, on a les développeurs inventé toujours quelque chose de nouveau. On pourrait en trouver des dizaines, voire des centaines. Ah oui. Et des trucs qui pourraient servir à rien des fois, genre le nombril, je sais pas. Alors pour moi, ça a été assez important cette série, parce que c'est peut-être la première où vraiment les développeurs se sont vraiment laissés aller tout au long de la série. Ils n'ont pas conservé une ligne directrice. Par exemple, si je prends Goldorak, c'est toujours la même chose avec un robot qui se bat contre un autre robot. Oui, c'est pas faux. On voit toujours plus ou moins toujours les mêmes armes. De temps en temps, il y a une nouvelle que Inspecteur Gadget a introduit quelque chose, la possibilité de nouveauté. Quel que soit l'épisode, on pouvait s'attendre à une nouveauté, à un nouveau gadget, voire une nouvelle gaffe de l'inspecteur d'ailleurs. Ouais, mais c'est très repris dans le dessin, dans le dessin animé type shonen, hein, donc type manga à chaque fois. Il y a souvent les héros, pas à chaque épisode, mais à chaque combat, à chaque difficulté, ils ont souvent un truc qu'on appelle un power up, donc un élément qui va faire que leur puissance augmente et qu'ils arriveront à surmonter la difficulté. Bah, Inspecteur Gadget, ça peut être un peu dans cet état d'esprit, où qu'à chaque épisode il a un nouveau problème, et à chaque fois il a un nouveau gadget. C'est ça que j'aimais beaucoup. C'est un power up à chaque fois. T'es dit le principe des séries de l'époque qui était de dire à chaque fois il y a une nouvelle mission. Tu vois, je te parlais tout à l'heure des MacGyver, K2000, etc. Enfin, toutes les séries où en fait finalement on arrivait sur la série, on comprenait l'épisode sans avoir forcément besoin de regarder l'épisode d'avant ou l'épisode d'après. Et c'est des choses qu'on retrouve de moins en moins maintenant sur les séries où t'es obligé de regarder la saison complète. Oui, absolument. Je voudrais aussi vous parler d'une autre série animée qui a peut-être fait moins de bruit avant de parler un petit peu pour des séries pour ados. Est-ce que Albert, le cinquième mousquetaire, ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Je connais pas. Du tout. Alors moi j'ai découvert ça. Alors, c'est une série, si je ne me trompe pas, des années 90, qui met en scène un petit mousquetaire qui s'appelle Albert. Et finalement, nous laisse plutôt, je dirais, entendre que si les trois mousquetaires plus D'Artagnan ont réussi leur mission, c'est grâce à ce petit mousquetaire qui était très inventif et très ingénieux. Ma foi, l'homme de l'ombre, le cinquième mousquetaire. Ma foi, l'homme de l'ombre, absolument. Ok, soit, je ne sais pas. Une nouveauté. Je pensais que quelqu'un aurait connu ça. C'est... Non, ça me dit rien. J'ai découvert ça, j'avais une trentaine d'années et je suis toujours complètement fan de ce dessin animé. Il y a peut-être eu 3-4 saisons, pas plus. Ouais. Il y a un humour qui est assez extraordinaire dedans. Ok. Alors, si on passe, là vous allez peut-être avoir plus de. De connaissances ou de références. Ouais. Si on passe aux séries pour ados. Oui. Oui, alors Trains, vous en avez parlé tout à l'heure, ça c'est, ouais. C'est très connu. Est-ce que si je vous parle de Happy Days, les jours heureux? Ouais. Sunday, Monday, Happy Days. Voilà. Ouais. Moi je connais pas. Mais pour regarder, hein, mais je connais surtout le générique. Non, je connais pas du tout. Personnellement, c'est un avis personnel quand même. Je considère que c'est un peu quand même la série, la première série qui met en scène ce genre de situation avec des ados, voire des jeunes adultes, ouais. Qui découvrent la vie de tous les jours ou qui s'intègrent dans le monde. Mais du coup, c'est une série des adultes. C'est une série d'horreur alors. Ah non, pas du tout, non. Ça parle d'une famille américaine des années 50. Parce que si les jeunes découvrent le monde, c'est pas forcément tout rose. Tout le monde. C'est loin d'être tout rose, ouais. Ça, c'est sûr. C'était pour l'humour. C'est pour l'humour. Aucun doute. Alors, dedans, il y a un personnage qui est très célèbre. Vous avez peut-être entendu vos parents en parler. Le dénommé Fonzie. Ah bah oui. Si, ouais. Bon, mais c'est pas cette série-là. C'est par rapport à un autre film, Fonzie. C'est pas lui qui fait je sais pas combien de gosses avec un don de sperme. Ah oui, ça c'est un film assez récent, oui. Ouais, ça fait référence à ça. Hein. Il y a plus de 100 gosses, oui. Ouais. Oui. D'accord, mais c'est pas ça, c'est pas le même. Alors, je vous laisserai aussi un peu découvrir. Je vous présente quand même l'histoire. C'est l'histoire de jeunes qui vont aller à l'université. Ouais. Et donc ils se retrouvent arrivés dans le monde des adultes. Et là, heureusement, il y a un blouson noir de l'époque parce que les deux, trois copains sont vraiment paumés, démunis contre la dureté de la vie. Mmh. Et là, heureusement, Dieu arrive en la personne de Fonzie et qui les sauve à chaque fois de situations absolument catastrophiques. Hein. Bah, tant mieux. Ça pourrait être cool, du coup. C'est alors, pour moi, il y a les trois. Quatrième saison à la limite, mais derrière, on n'a plus du tout le même esprit. C'est un peu dommage, mais alors, c'est pas toujours non plus. C'est pas le même réalisateur ou ça a peut-être changé de forme. Non, il y a des changements au niveau des acteurs, il y a des changements, il y a des modifications. Ouais. Ouais. Ils ont changé tous les acteurs principaux et voilà. Non, je déconne. Non, et puis des fois au niveau du format télé, parce que ça fonctionne toujours pareil. Hein, les chaînes, s'il y a une exclusivité au niveau de la chaîne sur laquelle la série passe, c'est eux qui financent le projet. Donc à un moment donné, ils peuvent décider aussi de certains choix, je vais dire stylistiques de la série et qui peuvent mener soit à la saison de trop parce qu'ils en veulent une nouvelle saison alors que c'est pas forcément ce qu'avait prévu le réalisateur, ou soit des changements stratégiques dans la série qui fait qu'elle a plus l'âme qu'elle avait au départ. Bah, oui. Absolument, la saison de trop, on a le cas avec How I Met Your Mother, où il y avait 8 saisons prévues au départ, ils en ont fait 9. Et j'avoue que la 9e, j'ose même pas la regarder parce que j'ai peur d'être déçu et de plus avoir le même regard sur la série. Ouais. Tu veux que je te spoil le dernier épisode? Non, je déconne. Le gros salaud. Mon fils aîné l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Dans le même genre d'ados qui découvrent la vie du monde d'adulte, il y a aussi, alors, entre Friends, How I Met Your Mother et puis cette série qui est un peu la série mère, enfin, comme moi je l'appelle du moins, That 70 Show. Ah, ça ne dit rien du tout non plus. Hein. Si, ça c'est sympa, mais. Ah, mais j'ai l'impression de parler chinois d'un seul coup là. Si. C'est un truc. Ah, attends. C'est pas avec un mec qui a une barbe. Non, alors. J'étais surpris. Je pensais qu'on allait rentrer dans un débat et j'ai l'impression de. Que non. Attendez, je. Non, mais en fait, t'as des jeunes et puis tu as moi qui galère de connaissances sur tout ce qui est série film. Alors, du coup, ça. Le pire, c'est que That 70 Show, comme How I Met Your Mother, ce sont des jeunes qui me les ont fait connaître. Ah ouais. Alors, je me disais, ils sont peut-être un peu tous pareils quand même. Mais How I Met Your Mother, oh, putain, c'est dur à dire. Je déteste dire ce truc. Mais ça, c'est assez connu parce que c'est un peu comme Friends, comme tu disais. Mais je trouve pas que c'est spécialement pour ados, tu vois. C'est même un peu plus. Je dis pas que c'est pour adultes, mais c'est pas. Ils ont la trentaine quand même, hein, ils sont plus trop ados. Hein. Voire plus. Ouais, c'est parce que finalement, ça descend un peu sur le principe avec la bande de copains. Ah, peut-être. Tout tourne autour de la bande de copains. C'est pour ça que j'en ai parlé. Mmh. Alors, That 70 Show, moi, je trouve ça très intéressant parce qu'on on tombe justement au moment l'action de la série, qui comporte 8 ou 9 saisons, dans les années 70, au moment vraiment où la pop culture éclate. Et là, donc, l'adolescent de la famille, qui a 14 ou 15 ans sur la... 13 ans peut-être sur la première série, est en conflit avec son père, qui est un ancien de la guerre de Corée. D'accord. Ouais. Et là, justement, on voit tout un développement autour de ces jeunes qui veulent vraiment... qui sont attirés, et c'est normal, par toute cette pop culture. Et le père d'un des gamins... Et lui, en tant qu'ancien de Corée, forcément, ne voit pas du tout les choses de la même façon. Mmh. Ouais, c'est conflit de génération, quoi. Ah oui, vraiment le conflit grand, beau, fort, tout ce que tu veux. Là, le conflit, il est énorme, énorme, énorme. Ok. Donc, voilà, pour parler de pop culture, justement, il y a toujours ces conflits dedans. Bah, parce que ça met un peu en lumière aussi la société, quoi. Enfin, les conflits de génération aussi toujours existé, surtout depuis d'ailleurs les années 60, avec les nouvelles générations, parce que le monde évolue tellement vite que forcément ça crée des choses que les générations d'avant ne peuvent pas forcément comprendre chez les enfants, quoi. Absolument, oui. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup cette série. Je veux dire, je vous recommande même des plus anciens la regarder, parce que ça peut permettre aux plus anciens de commencer à comprendre comment un jeune peut voir les choses avec tout, surtout maintenant avec tout ce qu'on a, des images partout, internet, les télé, Netflix et tout ça. Mm-hmm. Ça peut éventuellement aider. Alors tout ça peut nous amener au futur. Oui, alors le futur, si rapidement, oui, si on a deux, trois idées de ce qui va se passer. Oui, alors moi, pour moi, mon avis, de plus en plus, on est de plus en plus dans l'imaginaire, on a un recul du monde réel dans les mangas, et c'est normal. Les mangas, oui, c'est surtout les mangas, pardon. Oui, c'est oui. Ça, oui, et surtout. Ça prend beaucoup de place, on va dire, dans le dans le domaine dessin animé, clairement. Ça prend au moins moitié. Pardon. Mais encore. Ah, on a perdu. Je crois qu'on l'a perdu pendant une microseconde. je suis un petit peu embêté. Mais en même temps, alors pour avoir vu pas mal de dessins animés d'enfants, parce que j'ai un enfant. Oui. Il y a beaucoup de trucs effectivement qui sortent de la réalité, mais il y a aussi beaucoup de trucs aussi de protection de la réalité, protection de comment dire. Qu'est-ce que j'entends par protection? Genre, par exemple, les Octonautes, on pourrait dire que c'est presque éducatif sur le milieu océanographique. T'apprends beaucoup sur les poissons, même toi en tant qu'adulte. Ouais. Hein. Même moi, j'en apprends des choses sur les animaux du milieu marin. Parce que je dois avouer que j'ai des lacunes là-dedans, parce qu'il y a tellement de trucs. Mais voilà. Et il y a beaucoup de choses dans les émissions pour enfants. Hein, de toute manière, il y a beaucoup de choses à apprendre dans les émissions pour enfants. C'est fait. Enfin. Il y a quand même il passe toujours des trucs à apprendre pour les enfants. Je crois que c'est une base du dessin animé pour enfants. Il passe souvent des trucs à apprendre. C'est rassurant, oui. En fait, de se dire que même aujourd'hui, on a toujours de l'éducatif dans les dessins animés pour enfants. Mais c'est ça, tu vois, tu vas avoir toujours ces deux types-là, à mon avis, de dessins animés qui vont plus ou moins évoluer au même rythme. T'as ceux qui vont éduquer, mais de façon où tu le vois pas forcément tout de suite. Mais bon, tu comprends quand même à la fin qu'il y a une morale pour dire ouais, faites attention à l'océan et tout ça. Et de l'autre côté, t'as ceux qui sont totalement imaginaires, type les shonen, hein, que, clairement les mangas, où ça a rien à voir avec la réalité en fait. C'est purement imaginatif, c'est un bel univers qui fait rêver, tout simplement. Oui, on a de plus en plus. Alors, je suis pas arrivé innocemment là-dessus parce que je voulais finir en vous parlant d'une série qui est quand même très très controversée à cause des dialogues, South Park. Ah oui. Martin nous en avait parlé il y a quelques semaines. Hein, je vous invite à écouter le podcast. Oui. Ouais. Oui, parce que moi c'est une série que j'adore, que je regarde beaucoup. C'est une série qui aborde, comme vient de dire Teddy, énormément de sujets de société, bon, en parlant d'autres séries. Et en utilisant ces dialogues qui, je comprends, peuvent choquer, ça je le comprends parfaitement, il n'y a aucun problème. Je me suis aperçu en regardant les personnes qui écoutent, qui s'étaient quand même relativement sensibilisés au sujet que cette série abordait. Alors, je sais pas. Je sais pas si c'est les plus jeunes qui voient tout, enfin qui se rendent compte tout de suite qu'il y a des sujets politiques. Jeunes, pas les plus jeunes. Mais au début de l'éveil. Je sais pas. J'irai à partir de 15 ans, tu vois. Je pense qu'il y a des gens, ils se posent des questions, peut-être même un peu avant encore. À partir de 10 ans, il y a quelque chose qui se passe. Et 15 ans, oui, après, il y a un intérêt qui revient par rapport à ça. Je sais pas, ils doivent comprendre, genre quand ils font une blague sur Trump, parce que ça a dû arriver, hein, j'imagine. Je me rappelle plus de tous les épisodes, mais ils doivent comprendre qu'il y a quand même un sous-entendu politique. Enfin, il y a plein d'enjeux, plein de trucs. Finalement, il y a des limites à ne pas dépasser aussi. Ça, ils le comprennent parfaitement. South Park, ça vulgarise la vie un peu, entre guillemets, et c'est trop bon. Oui, alors, évidemment, c'est vu aussi à l'américaine, il faut. Donc, avoir un peu de l'esprit américain pour le comprendre, c'est aussi pour ça que ça peut être que décrié chez nous. C'est un peu aussi comme les Simpsons, qu'une série pour les jeunes, qui est vraiment une caricature de la société américaine. Et contrairement à South Park, qui est vraiment tourné vers la jeunesse. Alors, maintenant, les séries de demain, est-ce qu'on arrivera à. Je vais dire, pas cumuler, mais associer l'imaginaire avec. On est dans un monde réel, avec des contraintes. C'est vrai que ça serait l'idéal pour moi, et arriver à faire passer des messages dans ces séries. Maintenant, on attendra la suite. Ouais, bah oui, de toute façon, même si tu es notre voyant attitré, c'est décidé. mais oui, on ne peut que attendre la suite pour vraiment savoir ce qui va se passer dans le futur. Hein, n'est-ce pas? Ça, c'était une parole de voyant, c'était bien dit. Hein. Ouais, bah oui, tu vois, comme quoi, rien dire, toi, c'est vraiment des paroles dans le vent. C'est parler pour ne rien dire, mais faire des trucs qu'on ne sait pas encore. Merci en tout cas, Daniel, de ce petit bond en avant et puis bond en arrière également, parce que c'était le sujet de cette émission, ce qui nous a marqué en tant qu'enfant. Et t'es dit, toi, dans un instant, tu vas nous proposer un blind test. Un peu à la spécial, bouche. Ouais, parce que grosso modo. Un blind test à la bouche. Ouais. Ça, alors, c'est génial. Déjà, le concept. En fait, c'est parce que je suis pas doué en informatique, donc mettre des sons dans la bécane, voilà, c'est pas trop mon truc. Même si j'y arrive, en vrai, mais j'ai trop de mal. C'est un blind test des années 80, c'est-à-dire qu'il a pas les sons donc il est pas à la bouche. C'est beaucoup plus simple de les chanter moi-même et de me ridiculiser à vie que de les mettre dans la bécane. Je préfère ce non, système. Non, mais tu sais, les comptines, moi, je me. Enfin, ma grand-mère, quand j'étais petit, c'était le cas avec mes parents et mes grands-parents. Enfin, les chansons, quand avant l'avènement des tourne-disques et compagnie, tu les. Tu vas pas me dire que c'est ta grand-mère qui te les chantait. De génération en génération en chantant à tes enfants. Ouais. Donc, moi, j'ai eu des comptines chantées comme ça dans mon enfance. Et surtout des trucs pas gays, d'ailleurs, parce que à l'époque, ils avaient des comptines pour enfants. Déjà, c'était la mort assurée, le truc. Hein. D'accord. Je Allez. Peux te donner quelque chose, quand même, une information là-dessus. Ouais. Il faut savoir qu'en vérité, ce qu'on appelait les comptines pour enfants avait un double sens. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ah, donc, les enfants l'entendent d'une façon. Il va nous sortir un truc beaucoup plus gros. Quand tu l'analyses en tant qu'adulte, ouais, ça fait peur. Hein. On est d'accord. Tu prends par exemple Frère Jacques avec sa chandelle. Ouais, tu sais pas trop. Ouais, bien. Quand t'es gamin, tu vois le Frère Jacques avec sa chandelle. Quand t'es adulte, tu vois Frère Jacques avec une autre chandelle. Ouais. Ça, c'est les sous-entendus qu'on peut avoir en étant adulte. Mais à l'époque, il devait pas. Mais oui, bien sûr. La souris verte, par exemple, c'est un chant révolutionnaire que chantaient les républicains, donc, quand ils partaient en guerre contre les chouans. Mm-mm. What the fuck? C'est ça. Donc, je passe donc on te sur, chante ça en première section de maternelle, tu vois. Voilà. Magnifique. En fait, c'est un chant, si on traduit les paroles, il serait interdit sur les antennes. Hein. Ouais. Ah bah d'accord. Bah on va pas le traduire. En même temps... on va pas revenir sur la culture française parce que c'est la culture française, mais quand on écoute les paroles de la Marseillaise, qui est quand même notre hymne national, ça inspire pas à la sérénité, au bonheur et tu vois. Non, c'est pour faire peur à l'ennemi, ça, c'est différent. C'est pour faire peur à l'ennemi, donc voilà, et on chante ça avant la Coupe du Monde, donc tu vois. Il y a quand même. C'est pour ça, en fait, ils ont eu peur, ils ont fui en courant, ils voulaient plus jouer. Bon, blind test dans un instant, la bouche de Teddy. Et avant, DJ Zebra qui a mélangé, on parle de comment. J'ai pas trouvé le terme. Bon, le titre s'appelle Foxy Hierarchy. Oui, en même temps, il est plus de minuit, c'est normal. DJ Zebra sur Indestar pour cette dernière émission de l'année. Parce qu'on est con ou confiné, l'émission à la maison, c'est jusqu'à 23h sur Indestar. Alors, je sais pas si on est con ou confiné, mais en tout cas, on est bien réveillé avec la chanson qui vient de passer. C'était donc le bootleg de DJ Zebra à l'instant sur Indestar. Et dernière ligne droite pour notre émission à la maison du soir, et dernière émission à la maison de l'année d'ailleurs. Émission confinée pour vous parler de ce qui a marqué notre enfance, un instant nostalgie, avec, pour terminer, le blind test à la bouche de Teddy. Teddy, tu expliques-nous un petit peu le principe. Est-ce que déjà tu veux que je compte les points? Je suis resté éveillé que pour alors, ça. Ça a intérêt à valoir le détour, mon gars. Alors, vous avez 8 trucs à chansons. Deviner. 8 chansons de générique de dessin animé à deviner. 8 parce que j'ai pas eu le temps d'en faire 9, tout simplement. J'ai pas eu le temps de continuer. Et tu sais qu'en faisant un compte pair. Je sais. Tu peux créer beaucoup d'égalités. Et j'ai envie que ça se passe comme là, ça. Mais là, il est minuit, les gars. C'est bon, c'est et pas attendez, grave pour les égalités, ok. C'est pas fini. C'est pas fini. On va faire 2 équipes. On va faire 2 équipes de joueurs. Ah, chouette. Et vous allez jouer à tour de rôle. Et c'est moi qui vais choisir les joueurs. Parce que sinon, c'est... D'accord. Voilà. J'ai envie de faire un truc qui change de d'habitude. Sachant que dans ton jeu, donc, qui est un blind test sur ton enfance, donc on est plutôt dans les années 2000, on est d'accord? Ouais, même plus, hein, 2005, voire peut-être 2010. Oui, donc les années 2000. Ouais, ouais. Mais même. Puisque 2005 fait partie des années 2000. Oui, mais tu vois, mais ce problème, c'est qu'avec l'année 2000, de 2000 à 2005. Allez, tu vois, les garçons, lance le truc, il est minuit passé, s'il vous plaît. J'ai pas fini! Les années 2000. Mais s'il vous plaît, pas de débat stérile, vous ferez ça en off. C'est pas sérieux, c'est juste que de 2000 à 2005, quand t'es né en 95, c'est pas encore totalement ça, t'arrives pas trop. C'est et pas trop l'enfance. S'il te plaît. Mais bon. Donc on est sur après. La deuxième alors. Partie des années 2000. Oui. Donc, alors, on va qui faire sont deux les équipes. Équipes. Alors, la première équipe, ça va être composée de Théo avec Audrey ou Martin. Qui a envie d'être avec Théo? Comme tu veux, on s'en fout. Personne. Personne. J'adore comment ça se passe. Eh ben, ça va être Audrey. Non, mais moi, je veux bien. C'est parti. Trop tard. Allez, Théo et Martin. Bah, j'ai mis Théo et Audrey. Hein. Ah bon. Tu l'as dit en première. Tu nous fais choisir et en plus, il veut pas. Mais on a une candidate supplémentaire. T'en fais quoi? Bah oui, mais si je peux pas l'entendre, est-ce que Laura, on entend ta voix? Bah non, je crois. Oh putain, la vache. Ah oui, mais elle peut pas hurler. Laura parle discrètement comme ça. Oui. Est-ce qu'on la mettrait Laura pas dans l'équipe? Question d'ASMR. Ouais. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je n'ai pas participé à l'émission ce soir car je suis retournée chez mes parents. Chez mes parents, je ne dois pas faire des gens. T'es retournée en enfance? C'est un monastère chez ses parents. C'est non, pour ça s'appelle le respect, Andouille. Laura. Émission pour enfance, elle retourne chez ses parents, elle retourne en enfance. Laura. Exactement. J'ai respecté le thème. Est-ce que tu m'entends, Laura? Dis-moi, tu veux être dans quelle équipe? Le problème, Andouille. Tu as le choix, tu es le joker, tu peux aller dans quelle équipe? L'équipe que tu veux. Donc tu veux quoi? Théo et Audrey ou Daniel et Martin? Théo et Audrey. Allez, okay. Bonne meuf. Ah, Daniel et Martin, ça pue la merde quand même. Non mais je déconne. Toi, c'est pas grave. Plus vieux, ça m'arrangerait. Que vous soyez deux, que vous soyez deux ou trois ou plus, ça change rien vu que c'est un par un. Donc là, par exemple pour la première manche, je vais choisir par exemple Théo d'accord. Et Martin. Oui. Voilà, vous allez jouer l'un contre l'autre. Le premier des deux qui a la réponse qui gueule. Ça va être le plus rapide, voilà. Et le plus rapide là à deux, je devrais pouvoir différencier. Ça devrait pouvoir marcher. D'accord. D'accord. Donc, ouais, j'ai un calus parce que du coup je peux pas crier. Super. Tu cries pas, mais tu dis quelque chose. Même si tu parles, je t'entendrai en premier. Enfin, je pense. Et on peut pas aider un membre de notre équipe, non? Non, surtout si pas. Non. Oh. C'est justement ça la difficulté. C'est ça la difficulté, c'est chiant parce que toi t'as la réponse mais pas ton partenaire. Et là t'as envie de le saquer. Et en plus, Teddy a précisé au début de l'émission que déjà j'allais perdre. Donc voilà, je suis au courant. Disons que mais j'ai trop de chance sur vous les filles hein, pour rattraper le niveau. Oui, voilà. Bah on va essayer. Alors, premier extrait générique de dessin animé. Donc c'est quoi? C'est Théo et Martin. Théo et Martin qui jouent. Ouais. D'accord, très bien. Je veux juste le titre du dessin animé. Une menace dans l'espace. Ow! Je quitte la Terre, direction l'univers. J'ai pas le temps de flâner. On compte sur moi, il va falloir assurer. Je dis pas la suite parce qu'après c'est le titre du dessin animé. Ah ouais. Un truc d'espace. Un truc d'espace, ouais. Battez-vous. Bonne chance. Oh Teddy, je t'aime. Je sais, je sais. Extraordinaire. Ça ressemble à ça ou pas du tout? Bien sûr. Le pire c'est que celui-là, j'ai pas le vrai. Donc il faudra vous contenter de ça. Une menace dans l'espace. Ow! Je quitte la Terre, direction l'univers. J'ai pas le temps de flâner. On compte sur moi, il va falloir assurer. Ah, je l'ai pas du tout. Hein. Ah ouais, je sais pas si ça ressemble ou pas, mais je l'ai pas. C'est l'un des plus durs, je pense. Ah ouais, ouais. C'est bien, ça commence par moi. Mais alors, dans quelles années à peu près? Dans plus de 2000, c'est sûr. Partie des années 2000. C'est sûr. Mais la vraie question, c'est là. Si vous trouvez. Non, c'est parce que c'est chanté comme de la merde, c'est pour ça. Oui, ah oui, clairement. C'est une nana qui chante. Bah oui. Une fille. Alors, Audrey, elle a la réponse, donc Audrey, tu dis rien pour le coup. Mais non, je dis rien, mais. Du tout, moi. Daniel, est-ce que t'as une idée? Laura, est-ce que t'as une idée? Moi, les paroles me disent quelque chose, mais je suis incapable de remettre le titre du dessin animé. Ma foi. Allez, Daniel, aide-moi. je peux pas aider mes camarades de classe, la STP. Bah, franchement, allez, vas-y, Audrey, vas-y, parce que je le sens que tu l'as. Vas-y. Atomic Betty. Évidemment, Atomic Betty. Oui. Ça ne ressemble à pas du tout ce qu'il vient de chanter. C'est juste les paroles qui m'ont aidé. Vraiment, mais c'est pas du tout ce qu'il vient de chanter. J'ai jamais dit que je chantais bien. Non, mais tu peux nous la faire l'air Audrey. Attends, je me la remets en tête D'accord, j'ai même entendu. Si. C'est vrai qu'en plus, quand t'as l'air de Teddy dans la tête, c'est difficile de s'en extraire. Mais attends, peut-être que si j'arrive à trouver sur YouTube. Menace dans l'espace, je quitte la Terre, direction l'univers. Nanana. Ah ouais, c'est vrai que le rythme n'a rien à voir. Comment ça, le rythme n'a rien à voir? J'ai dit la même chose. Atomic oui. Bedding est là pour vous sauver la vie. Nanana. Nanana. Tiens, bah, c'est vrai que Teddy, tu as dit la même chose. Mais du coup, le rythme n'était pas du tout le même. Enfin, tu pourrais lire les paroles simplement. Oh, ça serait trop bien, lire juste les paroles. Une difficulté supplémentaire. Ouais, c'est l'option Teddy. Bon, ouais. Ça fait le point pour personne pour l'instant. 0-0 oui, pour les deux. Ah bon, on n'a pas le point du coup. Ah, merde, non, on n'a pas le déçu. Point. Bah non, on n'a pas le point. Ouais. Ah, ah, c'est normalement, c'était Théo et okay, Martin. Ok. Là, cette fois-ci, Audrey, tu vas jouer contre Daniel. Ok. Voilà. Oh, t'as gagné apparemment vu ta culture sur ces années-là. Peut-être pas. Ça, c'est un peu plus vieux. Attends, il y a quand même y a le challenge Teddy qui rajoute. Ouais, mais ça. Ça, franchement. J'ai le même handicap. Hein. Vous allez trouver, à mon avis. Vous allez trouver, ça va jouer sur la rapidité. Et je sais pas, je sens bien qu'Audrey va partir plus vite que Daniel. Pour le coup. Attention. Allez, Daniel. Deuxième extrait. On y croit. C'est l'heure du tic-tic-tic-tic-tic. Duel. Oui. Évidemment. Ouais. Alors, faut savoir, pour ce générique, attention. On a plus ou moins ça avec Audrey. Yu-Gi-Oh! En fait, dans le générique de Yu-Gi-Oh! C'est un jeu de cartes à jouer et il y a une série animée, forcément. Comment dire? Il y a presque pas de parole, en fait. Il y a que deux moments dans la musique où il y a une parole. C'est au tout début. Ça dit... c'est quoi? Je sais même plus c'est ce qu'il dit. C'est l'heure de Yu-Gi-Oh! Non, non. Ça, c'est la deuxième partie où il dit c'est l'heure du. Et là, t'as un vieux effet sonore qui fait. Bah, en fait, c'est un Yu-Gi-Oh! Qu'on entend en filigrane. Fait Yu-Gi-Oh! Oui. Et oui. À toi de jouer! Ta ta ta ta ta ta ta ta. C'est ça. Et c'était trop bien! Mais le générique. Oh, le générique est épique, hein, quand même, j'avoue. Oh là là, mais c'était si bien! Oh. Bah, ça... C'est l'heure du duel. Ouais. Dans tous les cas. Là là là là là. Pardon, je suis très contente. un point pour l'équipe Théo Audrey. Un point pour notre équipe. C'est très ça. Bien. Maintenant, je vais proposer à Laura d'affronter. Attends, je vais faire laquelle ? Martin. Ouais, Martin. Et okay. Je vais choisir. Oh, celle-là, tiens. C'est l'heure du duel, exactement. Attention. Prêts, les enfants ? Oui, capitaine ! J'ai pas entendu ! Oui, capitaine ! Bob l'éponge. Oui, j'ai un Bob l'éponge à ma droite. Tu l'as dit ? Mais j'ai entendu Martin, moi, perso. Oui, c'est Martin qui l'a dit en premier. J'ai entendu Martin parler en premier. L'éponge carrée. Ouais. J'ai un petit extrait de ça, si vous voulez. Martin et égalité des deux équipes pour le moment. Hein. Oui. L'éponge carrée, l'éponge, l'éponge carrée. Ah, je connais rien de ça. L'éponge, j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas du tout de la ref de la musique. J'ai la ref de la musique sur la chanson d'Avril Lavigne qui avait fait une. Elle avait fait un truc sur Bob l'éponge, mais. Je sais pas comment c'est possible. C'est SpongeBob. Enfin voilà, c'est plus rock'n'roll. Je sais pas comment c'est possible. Bon, bref. Si, d'ailleurs, Théo, vu que tu parles, ça va être ton tour. Contre Daniel. Bah oui, je sais. Les deux anciens. Okay. Attention, le choc. Ok. J'ai pas de bruitage, je le fais attends, moi-même. Attends, on n'entend pas Daniel. Daniel ? On t'entend plus, Daniel. Loin. C'est la station spatiale qui nous parle. te mets pas des bâtons dans les roues. C'est pas le moment. Est-ce que tu es là, Daniel ? Est-ce que tu es parmi nous ? Vous m'entendez ? Pas très bien. Très mal. J'avoue, pas très bien. C'est le moment qu'il faut bien t'entendre. Parce que là, tu peux trouver. J'ai foi en toi. Vous m'entendez là ou pas ? Vous m'entendez ? Non, bah, mais on t'entend loin. On entend, mais hyper loin. Sors des on chiottes. Son micro, on a une blague pragmatique de Laura. Vous m'entendez ? Ah, on l'entend bien. C'était ça la blague pragmatique de Laura ? On entend non, Daniel. C'était pas ça la blague pragmatique de Laura. J'ai encore une panne décidément, j'ai pas de chance. Là vous m'entendez là comme ça ? Bien sûr. Oui, disons que c'est. Je vais finir alors. D'accord. Ça devrait pouvoir finir. Enfin, ça devrait pouvoir te permettre d'affronter Théo. C'est quoi la blague de Laura ? Eh ben, je voulais laisser Laura la dire. Jingle ? Bonsoir. Les blagues pragmatiques, c'est pas vraiment tes blagues, mais c'est pragmatique. La blague, c'est que je t'ai coupé ton. Bonsoir. Pardon. Non, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question. Pourquoi je dors toujours pas là ? Alors qu'il est minuit et demi. Tu écoutes Indestar ? Parce que Yann parle trop. Parce que Yann parle trop aussi, c'est vrai. C'est qui Yann ? Et qui est ce Yann dont on parle depuis le début de cette émission ? Mais c'est incroyable. Mais oui, Yann, c'est je un connais Théo. Même pas Yann en plus. On dirait un Théo, mais en plus bavard. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. On invite que Théo et pas Yann. Exactement. Heureusement, parce que si Yann était là, mon Dieu, ça finirait jamais cette émission. Je trouve qu'il s'invite un peu souvent dans cette émission, moi. Mais bon. Mais entre nous, ça je va, trouve. Il est minuit et demi. On le déteste un peu tous, hein, Yann, en vrai, hein, entre nous. Hein. Oui, ouais. Allez, heureusement qu'il n'est pas là. C'est hein. Parti. Allez, troisième question, Teddy. Troisième intervention. Alors, Théo vs Daniel. Attention, ça va aller très vite. Enfin, j'espère. Oula. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Ouh là, putain, j'ai pas le rythme. Oh, non. Pokémon. Ah, j'ai entendu Daniel le dire en premier. Ah. Oh, putain. Yann. Yann. Alors attention, pour la petite anecdote, sachez que je l'ai dit, j'ai dit Théo et j'ai dit Pokémon. Ouais, mais Daniel a parlé avant. Et t'es pas obligé de dire ton prénom, hein, je vais pas stipuler de prénom, hein, donc. D'accord, mais bon. Non mais je te l'aurais compté quand même. Théo, pas dit Pokémon. T'aurais dit Théo en premier. T'aurais dit Théo avant qu'il dise le Pokémon. Actuellement, j'ai une petite figurine Pikachu sur mon bureau. Ouais. J'ai un chien qui s'appelle Pikachu. Moi, j'ai pas de figurine Pikachu. Bah, c'est pour ça que t'as perdu. Bref. Mais je l'avais reconnu quand même. Mais non, mais attendez, le pire, c'est que quand pas je. Sûr, hein, de, au niveau de. Non, ouais, je me suis planté, je l'ai massacré. Tu veux la vraie ? Regarde la vraie, ce que ça donne. Non. Un jour, vous serez la meilleure. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les gagner les défis. Je parcourrai la terre entière. L'argent avec espoir. Pokémon est le mystère. Le secret de leur pouvoir. Pokémon, attrapez les scènes de naufrage. C'est un apprentissage. Hop là, voilà. Alors moi j'ai plus Audrey, voilà, là, je l'ai coupé. Oui mais bon, Pokémon, bon. Quoi, merde. Mais oui, Pokémon, et sachez que pour la petite histoire, quand j'ai préparé mon blind test, figurez-vous que Théo est venu sur le Discord et il a suivi, il a écouté, on a parlé de Pokémon. Il savait qu'il y avait Pokémon. Il l'a pas eu au bon moment. Non mais attends, moi faut que j'entende que c'est le dresseur et tout ça. Et puis j'ai dit mon prénom pour annoncer Pokémon, mais on l'a excusé. Ouais mais attends. Théo la mauvaise foi, bonjour. Tu aurais dit tu aurais dit Théo avant que Daniel dise Pokémon, c'est toi qui aurais eu le point. Parce que là je me réfère au premier son qui sort de mes oreilles. Donc qu'importe ce que vous disiez, dès que vous dites quelque chose. Allez, vas-y, continue, Teddy, continue, parce que Théo la mauvaise foi là, c'est bon, il va chouiner dans son coin. Pas du tout. Je m'en fous, c'est Martin et Daniel qui ont deux points et nous on a un point. Il y a beaucoup par la faute de qui? Bah par la faute de fallait que. De ta mauvaise foi, ok. Allez. Des années 90. Dans l'équipe. C'est ma faute, je suis porté un page, j'ai pas laissé le point. Ah, j'aurais bien Laura jouer là. Ouais, Laura contre... C'est qui a joué? C'est Daniel... Bah, Martin. Ouais, ça tente vite dans l'équipe, Martin-Daniel. La revanche. Attention. La revanche, c'est parti. Ouais. En fait, j'ai pas choisi Audrey parce que je pense qu'elle connaît, donc ça va être trop facile. C'est le début du générique. Audrey, t'es trop fort. Oui, moi aussi, j'ai cru. Qu'est-ce que c'est? Alors, attention. Ça va être un pur moment jouissif pour vos oreilles. Bonheur, ouais. Si tu le veux, demain tu peux être avec nous. Winx. Oui. Ouais, c'est allez, ça. Allez, bam. Bim, bam, bim, bam. On y met de filles. Mais j'adorais regarder les Winx. Eh, Martin, j'ai jamais regardé. C'est mon neveu qui regarde. Ok. Ah, non. Moi, j'avoue, j'ai regardé. Je trouvais ça cool. La magie des fées. Bon, ça manquait un peu de combat et c'était un peu niant, mais bon. Parce que Teddy est le neveu de Laura, hein, faut le savoir. Lance des rumeurs comme ça. C'est la magie. Audrey, tu vas jouer contre Daniel, pour le coup. Bah oui. Audrey et Daniel, une parfaite égalité hein, pour l'instant, 2-2. Ouais, faut que je m'en réveille. Qu'est-ce que je vais choisir pour. Je vais choisir ça, tiens. Attention. Ouais, en plus, je sélectionne la musique hein, en fonction des adversaires. On a remarqué. Ouais. On ira, on saura sauver notre existence. Quoi ? Kalyoko. Ouais, mais t'as eu faux quand même. t'as dit une connerie, non ? Pourquoi ? Elle a pas dit Yu-Gi-Oh ? J'ai dit You et après j'ai fait Kalyoko. You Kalyoko. Un nouveau dessin animé. Bon. Mais Kalyoko quoi, c'était de mon enfance. Je t'accorde ce point. Un point de plus pour l'équipe rouge. Ouais. Ouais. Normalement, il n'y a pas d'égalité là actuellement. Bah non. Si. Non. Bah non, il y a 3-2 pour le moment. Il y a 3-2 pour le moment pour l'équipe de Théo, Audrey, Laura. Mais en sachant qu'ils ont un bonus vu qu'ils ont une personne de plus. Je sais pas si c'est un bonus ou pas, mais. Non, ils ont un malus parce qu'ils ont Théo dans l'équipe qui a rien trouvé depuis le début, mais non seulement parce que dans les manches où j'ai joué, mais de ce que j'ai écouté, j'ai rien du tout. Hein. Non mais es-tu en train de remettre en question mes talents de chanteur? Non, je suis en train de remettre en question mes talents de trouveur. De trouveur. Bah d'ailleurs, tiens, allez, vas-y, je vais essayer de te mettre peut-être celle que tu connaîtras peut-être le mieux. Donc c'est toi qui vas jouer. C'est qui? C'est Daniel? Ah bah non, ça revient à toujours. Tu vas jouer contre Martin. Ok. Tu vas jouer contre Martin. Okay. Attention. Allez, un point en plus. Un point en plus. tu dois connaître. Attention. Pas de panique à bord. Le fun et la vitesse à bord. Oui. Oui. Enfin. C'était quoi? Mais les rats. Les rats. Mais c'est les rats. Attends, les rats. Théo, tu ne connais pas ça? Mais non, c'est les rats. Moi, je connais les tortues ninja qui vivent dans les égouts, mais pas les rats. C'est qui? C'est les rats. C'est pour la Et après, ils te font un vieux rap, donc je me suis dit, vas-y, c'est du rap. Théo, il doit la connaître. Mais non. Attends, c'est du rap que Théo doit connaître. Non, mais non, ça n'a pas de sens, cette phrase. À quel moment j'écoute du rap dans la vie? Mais les rats, c'était trop bien comme dessin animé. Avec les voix d'Eric et Ramzy. C'est ce que je me suis dit. C'est les rats, ils sont là pour ça. Oui, mais c'était dans les années 2000. Alors déjà, moi, quand j'étais gosse, j'aimais pas trop les dessins animés. Mais dans les années 2000, je regardais pas du tout de dessins animés. Oh là là, les rats, c'était trop bien. Laura, je suis désolé. Hein. Tu vas représenter ton équipe pour le dernier point, vu que là il y a une égalité. Oui. Ça va jouer sur toi contre Daniel. Laura contre Daniel. Ah. Oh, très intéressant ça. Oh, je kiffe mon moment. Je sais pas. Bah en fait, il y a de grandes chances que vous le connaissez tous les deux. Donc j'espère que voilà. Il sera le plus rapide. Allez, Laura, voilà. On y croit. Attendez, on a toujours Daniel, on l'entend toujours. Oui, je me réveille, attends. Martin met toutes ses chances de son côté pour faire gagner son équipe, c'est beau. On comprend. Rendors-toi, Daniel. Fais dodo. Ça va commencer, attention. Daniel. Allez, concentration. Ouba, c'est lui. Dans la jungle tropicale, c'est un étrange animal. Oui. Je valide. Un point pour Laura. Et ça fait un point pour notre équipe. J'ai un petit son qui va avec. Attention. J'aime bien. Ouba, c'est lui. C'était la première peluche de ma sœur quand elle est née. On lui a offert avec mon père le marsupilami. Et ils ont fait... Là, il y a une... C'est nous. Les champions sont effectivement l'équipe Laura, Théo, Audrey. Oui. Et ils avaient Théo quand même. Là. Bon, j'ai aucun mérite, mais quand même. Bah, tu t'es présent. Quoi. Désolé pour l'équipe de Martin et Daniel. Non, j'avais le marsupilami, hein, mais. Eh bien, Teddy, moi j'achète ce. Je suis contente de rester éveillée juste pour ça. Pour m'entendre chanter, ouais, j'avoue que ça vaut le coup quand même. Magnifique. Ça va faire des millions de vues sur YouTube. Ça va aller, son pesant de cacahuètes, comme on dit. Clairement. Bah, c'était fun à faire. Les cacahuètes sont lourdes. C'était cool. Et le marsupilami, c'était aussi diffusé dans les années 2000 C'est vieux et du récent du marsupilami. Ils ont fait une BD du marsupilami, en comme quoi c'est une vraie bête, entre guillemets. Et genre, la BD est trash de ouf. Elle est horrible. Et pas pour les enfants, quoi. Clairement pas, ouais. Tu disais que ta sœur, elle avait une peluche marsupilami. Et ben, figure-toi que mon père, c'est la même chose. Il a un jumpy, donc c'est un camion, fourgon plutôt. Oui. Et figure-toi qu'il a un marsupilami sur son tableau de bord. Alors il est un peu jaune délavé parce que à cause du soleil, mais il se bat toujours avec un marsu. Ça fait 45 ans qu'il est sur le tableau de bord. Oui, c'est pas faux. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Et c'est fini. Très bien. Et c'est fini, bah oui. La série marsupilami date des années 2000. Ouais. Les années 2000, la série le marsupilami. Il y avait autre chose avec le marsupilami avant. Il y a eu la BD, mais en série, ça date des années 2000. Ah oui, série, d'accord. J'ai souvenir. Enfin, même merchandising qu'il y avait autour du marsupilami dans les années 90. Et puis il y a un film aussi sur le marsupilami avec Shabba et Jamel. Un film assez drôle, humoristique. Bon, bah, les petits chats, on va vous dire bonne fête de fin d'année. Exactement. Alors déjà, sachez que vous pouvez réécouter le podcast de cette émission si vous avez loupé le début, et si vous êtes nocturne et que vous venez d'arriver, ça sera disponible dès demain. Vous allez pouvoir écouter Indestar tout au long des vacances de Noël avec les petites musiques de Noël qui sont là pour vous souhaiter des bonnes fêtes. Et puis nous, on va se retrouver en janvier. Alors, on ne sait pas encore comment, hein, si on sera en studio ou si on continuera ces émissions à la maison. Tout dépend, bien sûr, de la crise sanitaire. D'ici là, passez des très bonnes fêtes en famille ou entre amis, en petite famille ou en petits amis. Mais en tout cas, passez des bonnes vacances. Et puis nous, on se retrouve très vite avec la musique d'Indestar et vos émissions préférées. Toute l'équipe, joyeuses fêtes également. On se retrouve l'année prochaine, 2021. Joyeuses fêtes. Bonne année. Meilleure année, on espère. Je tiens à dire que on espère, ouais. S'il y a encore confinement dès janvier, vous aurez encore des chansons bouche, parce que des émissions à la maison. Qui dit émission à la maison dit jingle bouche. Donc, enfin, pas jingle, mais musique générique à la bouche. Non, mais c'est ça, non, mais qui est concept très sympathique au demeurant, mais c'est vrai qu'on a fait ça avant tout pour que nous on puisse entendre ce que tu étais en train de chanter. Oui. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on passe des extraits où on a, nous, par Discord, un petit peu de mal à entendre les extraits, contrairement à vous qui écoutez la radio. Ah, mais là, donc, vous avez là, bien ça, entendu ça ma voix. Tout là. Le monde et ça nous fait beaucoup marrer, donc on aime ça. Ouais. Là, vous entendez bien ma voix, vous avez bien profité de mes talents vocaux. Carrément. Et ça va aller loin. On va surtout profiter de Jonathan Young qui arrive avec If This Sleep. C'est quoi la fin du titre? Je l'ai pas. If This Sleep Sinks. Il y a juste le mot Sinks de Jonathan Young. D'accord. Voilà. Des gros bisous. Le mot Sinks. Des gros bisous à tous. Passez de bonnes vacances. Ciao, ciao. Joyeux Noël, au revoir.